Le plan de Josy, assemblage requis. Dominique Nodemavougou nous dira ce qui se passe sur le continent africain dans Voix d'Afrique. Et Jimmy Thibodeau nous dira peut-être un petit peu quoi penser dans sa chronique gauchère bévue. Fais jamais ça. Assemblage requis commence tout de suite. Assemblage requis. Pour toi aujourd'hui. Assemblage requis. Oui, oui, oui, oui, oui. Assemblage requis. Pour toi aujourd'hui. Assemblage requis. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis en ce mardi 20 mars 2018. On est à 38 jours de la fin de l'année scolaire. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin. On est en direct des studios de C'est fou à Trois-Rivières. Les jours fondent plus vite que la neige. Ouais, je sais, hein. C'est comme... moins 12. C'est ça, c'est pas chaud un matin. C'est quoi l'histoire, moins 12? Et j'en ai aucune idée. Écoute, journée officielle du printemps, Mathieu. Oui, c'est vrai. Et puis, ça a pas l'air de ça. Non. J'ai vu que demain, les autres jours, apparemment que ça monte en 0, mais tu sais. Hein? C'est la nuit, en fait, que ça se garde tout ça. On tombe autour de moins 14, moins 15. Et cette nuit, eh bien, on a eu du moins 18, mesdames, messieurs. Incroyable. Ressortez les gants. Oui, ressortez les gants. Sortez aussi un petit fleur. Hein. C'est souvent à cette heure-ci de l'année, dans les moments où on sait pas trop comment s'habiller, où on tombe malade, un peu comme tout le temps Mathieu Plante. Tout le temps malade, dis-moi pas ça! Je sais! Habille-toi! M'habille! Ben oui. Ben, j'ai tout ce qu'il faut. OK, bon. C'est bien. Bref, aujourd'hui à l'émission, Tania, en ce petit mardi matin, là, on recommence à avoir des chroniqueurs après la semaine dernière. Oh mon Dieu, on aime ça! Donc à 8h, on devrait avoir Marc-Olivier Dumas pour Sport et Filoché, lui qui va nous parler de sport, bien sûr, que ce soit au niveau local ou ailleurs. Ensuite, à 8h30, Dominique Nodemavougou et Voix d'Afrique, qui nous parle de choses qui se passent sur le continent africain, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans la musique, dans la culture. À 9h, Jimmy Thibodeau, gars de la gauche qui prend le sujet de la gauche et le détruit. Oh là là! C'est gaucher, bien vu. À 9h30, on devrait avoir un invité spécial. On vous dit pas tout de suite qui c'est. Non. Hein, parce qu'on sait jamais. Parce qu'on sait jamais. Dans ces histoires-là. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à chaque fois qu'on a un invité, il y a une possibilité qu'il puisse se perdre en se rendant. Alors, on met ça toujours sur la glace. Ouais, t'sais. C'est ça. C'est une question, tu sais, t'arrives dans le pavillon, l'odeur de la chasse-garie peut-être t'attire. Ça se peut qu'il. Il y a des choses comme ça. Qui finissent par pas se présenter. Donc, on en parlera plus tard. Hein? Invité surprise. Ah oui. C'est l'émission d'aujourd'hui. Bien sûr, ta collègue s'en vient aussi. Tania, je connais un tutinien. De quoi tu nous parles? Bien, ce matin, je vais vous parler. Peut-être est-ce que lorsque vous étiez un peu plus jeune, ou du moins dans l'adolescence, vous aviez un rêve grandissant d'avoir une grande maison. Eh bien, on se rend compte quand même, petit à petit, que c'est quand même assez dispendieux d'avoir une maison. Il faut quand même faire les choses correctement à partir de l'âge de 16 ans, surtout si on a une carte de crédit. Alors, exactement. Pour certains, c'est soit trop tard ou le budget est peut-être pas le même qu'on espérait à avoir lorsqu'on était plus jeune. Aujourd'hui, je vous parle d'une alternative qui est quand même assez popularisée ces temps-ci. Je vais vous parler des bons côtés et des mauvais côtés à cette alternative. Intéressant. Dans quelques minutes, on va faire son foutu palmarès. Tu m'as inspiré hier en parlant de cerveau. Ouais. Donc, on va parler du cerveau. Cool. Dans quelques minutes. Mais avant ça, on va faire ce qu'on doit faire pour peut-être réussir à se payer une maison un jour. Partir en exil. Voici Ponctuation à Assemblage requis. situation et exil dans l'assemblage Ricky ce matin. Pas de belle histoire, ça, d'être en exil dans son propre appartement. Eh hey boy, hein, c'est... Ouais. Il y a des choses qui peuvent mal aller dans un couple, mais c'est pas ça la liste qu'on a devant nous. Donc voici son foutu. Je pensais qu'on énumérait nos problèmes de couple à matin. Ok, no. Ben, le problème, c'est qu'on n'a pas... On n'a pas de couple, hein? Que veux-tu que je te dise? C'est son foutu palmarès, ça. On est allé une liste sur un sujet plus ou moins précis. Aujourd'hui, ben, tu m'as inspiré, Tania, parce qu'hier, dans ta chronique, tu as parlé d'intelligence, tu as parlé de Stephen Hawking, des trucs comme ça. Donc, on va parler du cerveau aujourd'hui. Bien, certainement. Je sais que c'est un sujet qui t'intéresse, donc on va voir. Ça m'intéresse vraiment beaucoup. T'es une folle du cerveau? Ben, je trouve que c'est un organe qui est vraiment diversifié. Mm-hmm. Qui est non compris pour le moment. C'est vrai, hein? Et je pense que c'est justement la découverte de cet inconnu-là qui fait en sorte que j'ai une grande admiration, en fait, envers le cerveau. Ouais. C'est pas nécessairement de la folie, là. Non, vraiment... je voulais pas dire ça parce que... Non, je sais, mais c'est vraiment de l'admiration, en fait, parce que tout passe par le cerveau, ouais, sans nécessairement s'en rendre compte. Indispensable, exactement. Certains diraient. Hein? C'est partie des organes alimentés en priorité en oxygène. Oui. Le cerveau qui nous permet de percevoir l'environnement, de réfléchir, de commander des mouvements, de stocker des informations ou d'éprouver des émotions. C'était la semaine du cerveau au milieu du mois de mars. Oh, d'accord. Donc, c'est pas mal là, la semaine du cerveau. Sinon, cette semaine, il me semble. J'aime ça. Bref, un petit article de Futura Science qui nous dit que la nature ne s'y est pas trompée. Derrière une boîte crânienne lourdement solidifiée se trouve le processeur de nombreux organismes, donc le cerveau. D'aspects et de formes très différents selon les espèces, il joue le rôle de chef d'orchestre, recevant toutes les informations sensorielles, centralisant les souvenirs et générant les actions. On dit aussi de lui qu'il a fait l'homme et est devenu l'espèce qui règne sur la planète grâce à son potentiel intellectuel. Donc, Futura Science qui a sorti quelques chiffres. Okay. Commençons par 302. 302. Le cerveau ne se limite pas aux gros animaux. Exemple, le ver microscopique Cynorhabditis elegans, qui est long d'environ 1 mm et qui possède également des neurones spécialisés dans les sensations, la rétention d'informations et l'action. Ils sont même très précisément 302 dans ce qui est inéluctablement l'un des plus petits cerveaux au monde. À titre indicatif, les insectes en ont approximativement 1 million. Wow! Ensuite, 7,8. C'est à l'autre extrême complètement le grand cachalot. Figurant parmi les animaux les plus imposants de la planète, cette baleine à dents est dotée du plus gros cerveau du règne animal, dépassant même celui de la baleine bleue du fait de sa tête hypertrophiée. Il pèse environ 7,8 kg, on parle juste du cerveau. Il est tellement gigantesque qu'on n'a pas encore pu estimer le nombre de neurones. T'imagines? Hey, hein? Wow! Une baleine à dents. Une baleine à dents. Ensuite, 86 milliards. Parmi les têtes les plus remplies, celles de l'homme moderne, les premières estimations considéraient qu'il y avait approximativement 100 milliards de neurones dans le cerveau humain. Mm-hmm. Mais une étude plus récente semble trouver ce nombre un peu trop rond. Les effectifs ont été revus à la baisse. On disposerait en moyenne d'environ 86 milliards de neurones au meilleur de notre forme. Écoute, juste ça! C'est... Hein? Ça se compte bien, ça? 86 Quoi dire 100 quand c'est 86? Faut être précis dans la vie des milliards, ça compte pour beaucoup. C'est ça. À 1,5... tant de cellules auxquelles il faut rajouter les cellules gliales, ça c'est des cellules nourricières de soutien, qui représentent chez l'homme un poids moyen de 1,5 kg. Chez la femme, le cerveau est un peu plus léger, on parle d'aux alentours de 1,3 kg, ce qui ne le rend pas moins efficace. Il se pourrait même que la machine tourne légèrement plus vite chez la jante féminine, j'imagine pour venir compenser pour le poids. Ensuite, 250 000. Ces milliards de neurones n'apparaissent pas spontanément. Il faut les fabriquer par des divisions cellulaires successives. Notre organisme fabrique son cerveau au taux le plus élevé entre le 3e et le 7e mois de la grossesse. À plein régime, il génère environ 250 000 neurones par minute. Ensuite, 85 000. À titre de comparaison, on perd chaque jour environ 85 000 neurones du néocortex, soit l'équivalent de 31 millions par année ou de quasiment 1 par seconde. puis 70. Ce nombre très important de cellules neurales synthétisées est limité par le taux de disparition. Les neurones peuvent vivre pendant des décennies, mais s'ils ne sont pas utilisés, ils disparaissent. Ce phénomène s'observe également avec l'âge. Donc, à 80 ans, le cerveau ne représente plus que 70 % de ce qu'il était autour de 20-25 ans. Donc, 70 % rendu à 4 ans. Ensuite, 10 milliards. Tous ces neurones forment un vaste réseau interconnecté. Dans un centimètre cube de cerveau humain, on dénombre pas moins de 10 milliards de synapses ou des connexions nerveuses. 120. L'information nerveuse doit transiter de neurone en neurone. Dans les fibres nerveuses les plus larges, elle circule à jusqu'à 120 mètres par seconde, soit 430 km/h. C'est fou, hein? Incroyable. Puis 180 000. Pour gagner en vitesse, les fibres nerveuses sont recouvertes d'une gaine isolante appelée myéline. Si on mettait bout à bout toutes ces fibres myélinisées, on obtiendrait un segment long de 150 000 à 180 000 km selon les estimés. De quoi faire 4 fois le tour de la Terre. Wow! 20. Le cerveau représente environ 2 % du poids total d'un homme. Ah ouais, je savais pas ça. Ouais. Mais le rôle central qu'il occupe, il consomme 20 % de l'énergie totale. Un gourmand qui a un fort appétit de sang. Ouais. 41. Le cerveau se compose de 4 lobes au niveau de la couche supérieure appelée cortex. À lui seul, le lobe frontal représente 41 % du cortex. Les lobes temporaux, pariétaux et occipitaux comptent respectivement pour 22, 19 et 18 %. Ensuite, 12. Le système nerveux central au sens strict se compose de l'encéphale, ça c'est le cerveau, le tronc cérébral et le cervelet, et de la moelle épinière, desquelles part un réseau de nerfs. 12 paires sont directement reliés au cerveau, les nerfs crâniens. Ah ouais, ça je savais pas. 150. Le cerveau doit son volume à environ 1400 cm3 de cerveau et 300 ml de liquide, 150 ml de sang et 150 ml de liquide cérébrospinal dans lequel le cerveau et la moelle épinière baignent. Et pour terminer cette première liste, 7,33. Elle est très majoritairement composée d'eau à 99 %. Le liquide cérébro-spinal comporte aussi des protéines, du glucose et des ions inorganiques, comme les ions sodium, potassium, calcium, magnésium et chlorure. Le tout lui confère un pH de 7,33. Ça, c'était des chiffres par rapport au cerveau. Et on continue maintenant avec des technologies pour améliorer ce dit cerveau. Aha. Chercheur en neurosciences à l'INSERM, Michel Levan-Quyen s'intéresse à la modélisation du fonctionnement du cerveau et se passionne pour le neurofeedback qui permet de prendre conscience de son propre état cérébral. Donc, Futura Science a sélectionné une liste de 7 appareils innovants conçus pour améliorer un peu le travail de notre cerveau. Donc, il dit que dans ses recherches, il assiste actuellement à une véritable révolution où des technologies médicales utilisées dans des laboratoires de recherche commencent à sortir et se diffusent dans le grand public. Donc, une petite sélection. Ils sont actuellement vendus au grand public ou sur le point de l'être. Ils proposent tous d'agir sur le cerveau pour en améliorer le fonctionnement, c'est-à-dire augmenter la concentration, le bien-être, le sommeil, les perceptions, mais aussi le rêve ou l'humeur. Une vague d'innovation technologique qui est sur le point de toucher notre quotidien. Commençons par MeloMind pour augmenter son bien-être. C'est un casque, MeloMind, qui mélange Melody et Mind, donc Melody et Esprit, qui permet d'apprendre à se relaxer. Cette technologie de la start-up française My Brain Technology se base sur une ancienne idée, le neurofeedback, inventé dans les années 50. D'apparence, le MeloMind ressemble à un casque audio, donc des écouteurs. On pose ça sur la tête et il commence à produire de la musique. En revanche, la particularité est que cette musique est contrôlée par vos activités cérébrales enregistrées par de petites électrodes placées à l'arrière de la tête. Cette musique paramétrée sur la relaxation du cerveau, le système vous guidera ainsi vers un état de détente de plus en plus profond. À la manière d'un sportif entraînant ses muscles tous les jours, vous entraînez quotidiennement votre cerveau à se détendre avec le MeloMind. Ensuite, le Muse, l'appareil pour méditer. Ah, fais-tu ça, toi, méditer? Non, je devrais peut-être. Ben, je sais pas, on dirait que j'ai de la difficulté à rien faire dans la vie. Parce que le but même de la méditation, c'est d'arrêter de faire quelque chose. Ben, c'est ça. Fait qu'on dirait que de me dire qu'il faut que je me concentre à rien faire, Dis-moi pas quoi faire. Non, mais ça fonctionne pas dans mon cerveau, tu sais. C'est peut-être justement mon cerveau qui va trop vite. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est la même chose pour moi, mais tu sais, c'est aussi comme quand tu veux faire une sieste, que tu dis, OK, c'est maintenant la sieste. Oublie ça. Là. Si tu t'adonnes à faire une sieste parce que t'es fatigué, ok, tu vas t'endormir, mais quand il faut que je pense à faire une sieste, j'ai de la misère. Tu sais, il y a des gens qui sont capables de siester pas mal n'importe quelle heure de la journée. Moi, oublie ça, je suis pas capable. Non, c'était la première fois hier que je réussissais à faire une sieste avant l'improvisation. Ah, pour vrai? C'est vraiment cool. Première fois de t'étais en 4 ans, j'étais vraiment fatigué. Ouais, c'est ça. Et je le suis encore. le bandeau connecté Muse de la société canadienne Interaction, INTERAXON, propose quelque chose de nouveau, aider à méditer. L'application de demande de déposer le téléphone et d'adopter une position confortable, épaules détendues, dos droit et yeux fermés. Puis, elle invite à prendre conscience de sa respiration et à se concentrer sur l'expiration. Ensuite, il s'agit que de penser à rien d'autre qu'à la respiration. Simple comme ça. L'application émet des sons de vent et de vagues pour indiquer le niveau d'attention. Plus votre cerveau est distrait, plus les sons de vent et de vagues sont forts. Si vous entendez une mer calme et des gazouillis d'oiseaux, votre attention est alors focalisée. C'est l'état à maintenir durant toute la durée de la séance. À la fin, le smartphone trace le déroulé de l'activité cérébrale sous forme d'une courbe afin que vous puissiez suivre à quel moment vous étiez attentif ou distrait. Au bout de quelques séances, vous allez peu à peu apprendre à ne plus laisser vous distraire par les bruits et considérations parasites et vous allez améliorer durablement votre attention, disent-ils. Il est désormais établi que ce type d'entraînement a une action bénéfique sur le bien-être et en réduit le stress et donc les effets dévastateurs sur le système cardiovasculaire ou sur les défenses immunitaires contre les infections et les inflammations. Ensuite, on a Dream pour mieux dormir. Oh, ça encore, par exemple. Mais ça va, les grosses affaires sur la tête. Ben, c'est ça l'affaire. Parce qu'à un moment donné, c'est pas confortable. Là. Comment tu veux dormir avec ça? Comment il s'appelle, là, celui dans X-Men qui a un casque? Magneto? Magneto. Magneto. Je crois que c'est Magneto. Non. Ouais, ça a l'air du casque. du gars dans X-Men. C'est pas mal ça. C'est plus minimaliste que l'autre avec les électrodes. Oui, c'est vrai. En fait, les électrodes, c'est pas super. Mais l'autre, le casque d'écoute en premier, le Minomine, c'était un peu trop gros. Mais bref, donc Dream, D-R-E-E-M. C'est un bandeau. Encore une fois, c'est une start-up française, Rhythm, qui permet d'améliorer le sommeil dit profond. C'est une période particulière qui joue un rôle crucial dans la régénération de l'organisme. Bref, ce sommeil profond occupe 20% du temps total de sommeil. C'est la phase profonde qui est la plus réparatrice pour l'organisme et fait disparaître la fatigue. Des résultats récents montrent que cette phase permet l'évacuation des toxines qui s'accumulent dans le cerveau pendant la journée. Bref, le sommeil est donc une véritable douche qui lave votre cerveau. Et de plus, le sommeil joue un rôle majeur dans le bon fonctionnement de notre mémoire. En effet, c'est grâce aux périodes de sommeil profond qu'on consolide la mémoire de nos souvenirs récents, donc que nous pouvons stocker les souvenirs sur le long terme. Dans le cerveau, cette phase de sommeil est caractérisée par les ondes très lentes. L'idée du système Dream est donc d'augmenter ces ondes avec des petits bruits synchronisés avec elles. Le sommeil profond réparateur s'en trouve alors artificiellement renforcé, dit-il, avec tous ses effets bénéfiques. Puis on a Think, T-H-Y-N-C, pour choisir son humeur. Le casque Think propose de changer son humeur sur commande à l'aide de deux électrodes qui viennent se placer sur le front et sur la nuque. Ce système produit un effet calmant ou énergisant à volonté. D'après les constructeurs, le premier effet est comparable à un verre de vin et le second à celui d'une tasse de café. Deux choses qu'on aime bien. Oui. Une application dédiée sur téléphone ou tablette permet de gérer ses effets et d'ajuster l'intensité des stimulations à sa guise. L'effet se prolonge sur plusieurs heures après son utilisation. Même si les modes de fonctionnement du dispositif restent obscurs, l'appareil stimule très probablement un système nerveux sympathique et parasympathique par les nerfs du crâne. Oh! C'est tentant, ça. Vraiment? Un autre bandeau maintenant, le bandeau iWinx, le rêve de contrôler ses rêves. Oh! L'impression... Hey, je dois t'avouer quelque chose, Mathieu. Vas-y donc. J'ai rêvé à toi cette nuit. Oh boy. Mais ne partez pas en peur, cher auditeur. J'ai rêvé, en fait, que tu m'écrivais pour me dire que j'étais pas au studio à temps. OK. Puis que j'avais eu une panne de courant, mais j'ai tellement cru à mon rêve que quand je me suis réveillée ce matin, j'ai failli te texter « Oh my God, je m'en viens! » Oh non! Ouais. Ah. Je sais que hier, on a parlé aussi avec notre chroniqueuse Justine Renaud par message. Qui va être là la semaine prochaine, dorénavant. Exactement. Et là, dans mon rêve, elle envoyait le même style de message. Ah. Fait que ça m'a vraiment tout déstabilisée. Je me suis réveillée ce matin, puis j'étais comme « Ah, mais je suis pas en retard, pas! » Tu sais qu'il est tout le temps super à l'avance devant la porte du studio qui m'attend parce qu'elle a oublié sa carte à quelque part. Oui! Et là, tu l'as trouvée. Ben oui, j'ai trouvé ma carte magnétique. Ta carte magnéto. Magnéto. On parlait donc du bandeau iWinx. Elle a l'impression d'être conscient dans le rêve qu'on est en train de vivre. On appelle ça un rêve lucide. Ça se contrôle, apparemment, selon certains. Le rêveur a alors l'opportunité de mieux profiter des sensations qu'il procure, le rêve, comme pendant un film ou une pièce de théâtre. Effectivement, tout ce qui vous fait peur dans la vie courante est sous contrôle dans un rêve lucide et tout devient possible. L'expérience est apparemment jubilatoire. Mais le rêve lucide pourrait permettre d'aller encore plus loin car l'esprit peut explorer à loisir sa créativité. C'est ce qu'a fait le musicien italien Giuseppe Tartini, au 18e siècle. Son rêve est resté célèbre car il demanda au diable de l'aider à la composition d'une de ses plus belles sonates, celle des Trilles du Diable. En revanche, même si le rêve lucide apparaît spontanément chez certains dormeurs, c'est quand même une expérience qui reste rare. Donc, le bandeau iWings permet de faciliter l'induction de rêves lucides. Ce système indique par une petite lumière sur les yeux que le rêve a commencé. À la différence d'un rêve normal, de réveil normal, pardon, ce dispositif détecte les mouvements oculaires et sonne au moment précis du rêve. Dans le rêve, le champ visuel se ponctue de taches lumineuses pour aider à entrer en état de lucidité sans se réveiller. Il y a bizarre, des trucs, là, que je comprends pas, mais ça a l'air génial. Ouais. Ça. Génial. On continue avec les écouteurs. Encore une fois, c'est le Halo Sport pour augmenter ses forces. Ah ouais? Ça a été développé par la start-up californienne Halo Neuroscience et ça se distingue guère d'un casque audio banal. Ouais, c'est ça. Sauf sur sa face intérieure par une brosse parsemée de petits picots en plastique souple qui se disposent sur le haut de la tête. Ce sont de petites électrodes destinées à transmettre d'infimes impulsions électriques à travers le crâne dans le cortex moteur. Cette région du cerveau est cruciale car c'est elle qui contrôle la planification et les mouvements volontaires. Okay. Je dirais que la plupart des régions du cerveau sont cruciales, non? Oui, mais je dirais que c'est un peu bizarre, là, cette affaire-là. Oui, effectivement. Stimulés par le dispositif, les neurones envoient des signaux amplifiés vers les muscles qui gagnent alors en énergie et en puissance. Néanmoins, même si cette technologie est séduisante, les effets à long terme sont inconnus. Et voilà. Et dans le domaine du sport, il s'agit d'une forme électronique de dopage, totalement indétectable après utilisation par les instances sportives. Donc, prudence! Ensuite, une veste pour ressentir les tweets. Ah, ouais, ça, tu vois, ça me rejoint pas par non, à tout. Tu peux pas ressentir les tweets de Trump, tu sais. Ben, non, du tout. Plein de fautes d'orthographe et de choses insensées. Ben. David Eagleman est un brillant scientifique du Collège de médecine Baylor à Houston, au Texas. Durant une conférence TED, il a présenté une veste étonnante portant de nombreux nodules convertissant des informations venues du web en vibrations. En particulier, les messages Twitter postés par les spectateurs durant la conférence lui étaient transmis sous forme de vibrations dont le motif variait selon le caractère positif ou négatif de la tonalité des messages. Tout en parlant, il pouvait suivre en temps réel les opinions globalement favorables du public sous la forme d'un agréable massage de dos. D'après le chercheur, ces nouvelles formules de technologie vont à terme élargir les capacités sensorielles humaines. Le dispositif s'appelle VEST. Ça, c'est vraiment le fun parce qu'on a pris le mot VEST et on a essayé de trouver des... c'est un acronyme. Versatile Extrasensory Transducer, le transducteur de variables extrasensorielles. Ça a fait l'objet d'une campagne Kickstarter l'an dernier. Vous pouvez lire le livre de l'auteur qui s'appelle « Améliorer son cerveau ». Oui, mais pas n'importe comment. Mémoire, concentration, humeur, sommeil, le vrai pouvoir des neurosciences. C'est de plus en plus long, les titres de livres. Hein? Ouais, ben oui. Voilà pour cette petite liste de gadgets qui pourraient un jour améliorer votre vie via votre cerveau. Les liens sont sur assemblagerequis.com dans les notes de l'émission numéro 1221. On prend une pause musicale. Au retour, ça va être ta chronique déjà, Tania, parce que le reste de l'émission est rempli à ras-bord. On a plein de monde qui s'en vient. Mais avant ça, on écoute une pièce de musique. Ah oui? Oui. De Birmanie. Parce que, Colin, plus je regarde ça, plus il me semble que c'est long avant que ça fonde. Oui. Donc voici Birmanie avec l'hiver et long en Chris. Ah! C'est le nom de la chanson? C'est pas la... Ouais, exact. C'est pas lui. Je m'en libère de toute responsabilité. Go to Assemblage Wiki! suis. Assemblage de qui? Toujours à Assemblage requis en ce mardi matin 20 mars 2018, elle est Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Mmh, dans une demi-heure, un petit peu moins, Marc-Olivier Dumas va être là pour sa chronique Sport et Filoché, c'est confirmé. Mais avant ça, pendant qu'on a le temps, jasons un petit peu ensemble avec ta chronique Tania is gonna entertain you. C'était une petite Tania qui voulait être pour des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école c'est Tania. She's gonna do me. J'ai crié beaucoup hier soir à l'improvisation. Ouais, je vois ça. C'est la voix. Moi, ma voix, on dirait que ce matin elle est comme semi-disparue encore un peu. Ah ouais. Hein? Par moment là, ça fait. Vous allez voir. Comme un petit cochonnet. Probablement qu'on va l'entendre un peu plus tard. Ben, j'ai bien hâte, j'ai bien hâte. Ben oui, j'en doute pas. De quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui, Tania? Eh bien, Mathieu, je te parle d'une alternative qui gagne en popularité lorsqu'on désire acheter une maison. Parce que, bon, oui, on se l'est dit tout à l'heure, en début d'émission, quand on est jeune, on rêve quand même de la grosse maison. Le château. Le grand château, évidemment. Mais il y en a pour qui un gros château, déjà à la base, c'est pas nécessairement quelque chose qu'ils désirent. C'est pas nécessaire. Et il y en a pour qui, bien, au fil du temps, on se rend compte que, bon, le budget de la grosse maison, elle l'est peut-être pas. Il y a d'autres affaires à acheter dans la vie, hein? C'est ça, exactement. Donc, ce matin, je vous parle de ce qu'on appelle en anglais « the tiny houses », ou du moins en français, les mini-maisons. Les petites maisons! Les petites maisons. C'est un phénomène qui gagne en popularité. Je pense qu'on peut le voir un peu partout, que ce soit sur Pinterest, que ce soit sur Internet. À TV. Que ce soit à la télévision. Oui, sachez que Casa a des émissions de mini-maisons. Plusieurs. C'est correct. C'est vraiment le fun. Ah oui, OK. Ben, en tout cas, moi, je serais de ces émissions de rénovation. Là, fait que, t'as pas besoin d'être tout petit pour vivre là-dedans. T'as pas besoin d'être tout petit pour vivre là-dedans, t'as bien raison. C'est un véritable phénomène, en fait, qui est en expansion, comme je le disais tout à l'heure. Les mini-maisons, ça gagne en adeptes. Bien évidemment, il y a du monde qui commence à se concentrer de plus en plus sur le marché des mini-maisons. Ça va de soi que le choix de vivre dans une petite maison, ça a quand même des implications qui sont beaucoup plus grandes que de simplement rechercher une habitation aux dimensions qui vont être réduites ou de tout simplement y aller avec un budget. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est sûr et certain que ça va coûter un peu moins cher qu'une grosse maison, comme on l'aurait tous, ou du moins sensiblement, tous souhaité lorsqu'on était plus jeune. Donc, il y a des motifs qui puissent quand même être économiques. Il y a le mode de vie aussi qui limite l'empreinte écologique lorsqu'on désire s'acheter une mini-maison. Donc, on fait un choix qui est quand même assez écologique à ce niveau-là. Et le temps qui va être perdu aussi relié à l'entretien d'une demeure qui est immense ou du moins juste à une demeure sensiblement normale. Si on regarde une maison quand même qui a 2 ou 3 étages, reste qu'il y a quand même du ménage pas mal à faire dans une genre de maison comme celle-là. Tandis qu'une mini-maison, bien évidemment, on s'en va vers quelque chose qui va être beaucoup plus facile à nettoyer. Pas besoin de l'extension sur ton Swiffer pour laver le plafond. C'est ça, exactement. Bien, ça dépend encore parce qu'il y a des mini-maisons qui ont quand même des hauts plafonds. Parce qu'on les veut pièces aller... sont plus petites, c'est ça? Ça, exactement. Sont beaucoup plus étroites. Mais c'est quoi les informations qui sont importantes à connaître avant de se décider à faire l'acquisition d'une mini-maison? Parce que je dois l'avouer, je me suis quand même posé la question, si je peux pas nécessairement m'acheter une maison dans la vie, est-ce que je pourrais à un certain point m'acheter une mini-maison? Est-ce que ça en Mauricie? Oui, ça! Ah, on y viendra! Tu vas voir d'ici la fin de la chronique. Mais il faut déjà, à la base, se dire que oui, c'est certain que c'est une alternative. Donc, en partant, il va y avoir des coûts qui vont être moins élevés. Mais si on regarde ça comme ça, là, c'est quoi une mini-maison? Pour rentrer dans la catégorie des mini-maisons, les dimensions de la demeure doivent pas excéder 1000 pieds carrés. Si on excède 1000 pieds carrés, c'est plus ce qu'on appelle une mini-maison, bien que la majorité des habitations soient de taille inférieure à 400 pieds carrés, là. Mais il y a plusieurs types de mini-maisons qui sont disponibles. On compte des modèles qui sont soit mobiles, qui sont fixes ou encore transportables. Et c'est justement ça que je veux un petit peu démystifier aussi avec vous. Par exemple, si on regarde les modèles fixes, bien ça va être ancré de façon permanente sur un terrain. Avec une fondation, toi? Avec une fondation, oui. La principale différence avec les habitations conventionnelles, ça va être la taille qui va être réduite, qui va nécessiter de vivre avec un nombre quand même restreint de biens matériels. Mais on y va quand même dans une dans la façon normale de faire une maison, c'est juste qu'elle va être beaucoup plus petite. Par la suite, on a le modèle qui va être mobile. Ça veut dire qu'il peut être déplacé à la guise de leur propriétaire grâce à une fixation qui va être mise sur la demeure et qui va être transportable grâce à un camion. Ouais. Donc, ça revient un petit peu à ce qu'on appelle une roulotte là, dans le temps, hein, ou pas nécessairement dans le temps, mais c'est vraiment une maison. C'est juste que tu décides de pouvoir bouger ta maison. Néanmoins, comme la maison est transportée sur une base relativement fréquente, elle va être beaucoup plus petite que les autres modèles qui vont être fixes. Une petite, petite maison. C'est ça. De plus, les coûts vont être beaucoup plus élevés aussi en raison de l'achat d'un camion. Donc, il va falloir évidemment anticiper les coûts relatifs qui vont être à l'essence, mais aussi aux réparations du camion. Et si, évidemment, vous n'êtes pas nécessairement habitué là, de conduire de longues choses, parce que si vous avez jamais eu de roulotte dans votre vie ou quoi que ce soit, puis vous vous lancez dans l'idée de vous acheter une maison mobile, eh bien, sachez qu'il y a des distances à garder. Hein? Ouais. C'est sûr et certain qu'il peut y avoir des coûts reliés à votre façon de conduire. Si vous accrochez votre maison, bien brisée, faut la réparer. T'sais, on s'entend, c'est un petit peu la même chose qu'avec une roulotte. Et pour leur part, bien, il y a les modèles qui sont transportables. C'est un degré de mobilité qui va être supérieur à celui des maisons qui vont être fixes, mais qui va être inférieur à celui des maisons mobiles. Hein? Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Bien, c'est étant donné que la maison n'est pas rattachée à un camion, comme dans le cas du modèle qui va être mobile, c'est quand même assez impératif de faire affaire avec une compagnie qui va être spécialisée dans le déplacement. Pour la soulever, exactement, aller la porter ailleurs. Okay. Du type d'habitation. La maison va connaître plusieurs lieux de résidence. Ça veut dire que vous allez pouvoir la faire déplacer. Les frais vont être reliés à l'acquisition de la maison. Ça inclut pas le coût du terrain. Donc, il faut quand même calculer si on décide de changer de place à chaque, à chaque 3 mois. Bien, il y a un coût de terrain qui vient avec ça aussi. Et le déménagement aussi, parce que tu peux pas juste la déplacer avec tout dedans. Hein? Exactement. Donc, c'est ainsi possible de louer un terrain. C'est quelque chose qui se fait de façon temporaire, plutôt que de devoir faire l'achat d'un terrain qui va être permanent, surtout si on est du style, comme je le disais là, tout à l'heure, à changer aux 3 mois d'emplacement. Mais ça rend une option moins dispendieuse que de devoir acheter un terrain, bien évidemment. Il faut préciser aussi que les mini-maisons, c'est des dimensions qui vont être plus grandes que les modèles mobiles, ce qui est un avantage, en fait, pour ceux qui vont avoir besoin d'un plus vaste espace de vie. Donc, il y en a qui ont des familles et qui vivent dans des mini-maisons. Avoir une famille dans une mini-maison, je suis pas certaine que je serais capable de faire ce saut-là. Mm-hmm. Par contre, de vivre seule ou de vivre en couple dans une mini-maison avant d'avoir des enfants, moi, je trouve le projet quand même assez incroyable. Merci. Et comme on le disait tout à l'heure, bien, il y a des avantages, mais il y a aussi des désavantages à décider de faire l'acquisition d'une mini-maison. Et on doit se le dire, c'est pas tout le monde qui va être bien à l'intérieur d'une mini-maison. La proximité. La proximité, la grandeur, ton style de vie. Si t'es du style à devoir tout le temps voyager, bien, il y a de fortes chances qu'une mini-maison, ça fasse ton bonheur. Par contre, si t'es du style sédentaire, t'es du style à recevoir des gens. Recevoir des gens. Avoir un sous-sol, un cinéma maison, tu sais, tu peux déjà éliminer la mini-maison de tes options. Mais faire l'achat d'une mini-maison, il faut se le dire, c'est une option qui est quand même assez économique, beaucoup plus qu'invitante, oui, parce que, comme on l'a dit, tu peux pas nécessairement recevoir 12 personnes dans ta mini-maison. Là. Vous rentrez 2, 3, 4 au max, mais il y a de fortes chances que votre lit se transforme en divan aussi. Fait que, il faut y penser. Les dépenses qui sont relatives au chauffage, à l'hypothèque, aux taxes municipales et l'entretien sont grandement réduites avec ça. Mais t'en as quand même. Il y en a qui oublient ça, qu'il faut quand même. T'en as quand même une maison. Tout à fait. C'est une maison. Il faut pas penser que c'est un appartement. Ouais. Faire l'achat d'une maison pour un coût qui est généralement inférieur à 100 000 $, c'est quand même assez intéressant. On se rend compte au Québec assez facilement que des maisons en bas de 100 000 $, ça n'existe plus vraiment. Hein? Ça existait au milieu des années 60. On faisait l'acquisition et les propriétaires sont toujours les mêmes, ouais, souvent. C'est ça. Donc, c'est quand même assez intéressant de voir justement qu'on peut permettre de lier comme ça des gens à l'idée d'avoir une place à eux, d'avoir une maison qui est bien à eux. mais sans nécessairement avoir des prix qui vont être exorbitants à ce niveau-là. Ça permet aussi de ne pas être lié au remboursement d'une hypothèque pendant plus de 20 ans, parce que souvent, ça va se faire par mois. Donc, l'achat d'une mini-maison, ça va permettre de sauver un temps quand même assez considérable, comme on le disait, sur l'entretien du terrain aussi. Il y a de longues journées d'été là, où on peut se prélasser au soleil sans nécessairement avoir un gazon à couper ou des pissenlits à arracher. Et ça, je pense que c'est une option quand même assez tentante pour plusieurs, parce que plus on se rend compte, les gens veulent faire quelque chose. On ne veut pas nécessairement faire l'entretien de notre terrain, faire l'entretien de notre maison. On veut aller marcher, on veut aller découvrir. Donc, de ce côté-là, la mini-maison, ça peut très bien être un avantage pour certaines personnes. Il y a des inconvénients qui ne sont pas à négliger, évidemment. En premier lieu, il faut mentionner que le financement d'une mini-maison, ça pose problème. Ah oui? C'est malheureux, mais c'est malheureusement impossible de financer ce genre de maison-là grâce à un prêt hypothécaire. Donc, les banques sont un peu mal à manger, ouais. Si tu me permets l'expression présentement. C'est encore assez nouveau. C'est quand même assez nouveau, mais c'est en grande demande. Ouais. Donc, on a un peu de difficulté à accorder un prêt pour ce genre de maison-là et pour un montant peu élevé comme celui-là. En l'absence de fonds nécessaires, en fait, ça va être quand même assez nécessaire de recourir au prêt qui va être conventionnel ou tout simplement à la marge de crédit avec des taux d'intérêt qui vont avoisiner là, les 10 %. Donc, si on a un taux d'intérêt, par exemple, d'un prêt hypothécaire, c'est environ 2 % normalement. Là, on parle d'un taux d'intérêt qui serait quand même de 10 %. Donc, on a une bonne marge de manœuvre à ce niveau-là. Et en ce qui concerne aussi la qualité de vie des occupants de la demeure, bien, malgré là, les meilleures intentions du monde, ça se pourrait aussi que la cohabitation, ça pose problème dans une mini-maison. Ah, peut-être. Si vous êtes du style à être en couple et que l'homme a une man cave, ou, ou du moins, vous avez l'habitude de garder votre petit espace à vous, mesdames ou messieurs, peu importe. Ouais, votre cocon. Et là, vous vous ramassez dans une mini-maison. À dormir... Ça se peut. Dans le même lit. Ça se peut que ça fasse des frictions à l'intérieur de votre couple, sachez-le. Ça. Donc, l'impossibilité d'avoir un espace de vie à soi, c'est clairement à l'écart là, de ce que vous pouvez anticiper par rapport à une mini-maison. Bien évidemment, le bruit ambiant demande aussi des concessions. Peut-être pas nécessairement tout le monde sont prêts à faire parce que t'es dans une mini-maison. Il n'y a pas 142 murs, il y en a 4. Quand vous chicanez, mettons, là... Tu vas dans ta chambre, t'as comme pas le choix d'aller dans le même que lui. Hein? Donc, c'est crucial de se questionner de façon quand même assez longuement sur la possibilité de s'adapter au degré d'intimité dans une mini-maison. Mais comme je le disais tout à l'heure, pour quelqu'un qui est seul, quelqu'un qui veut pas nécessairement s'acheter une maison tout de suite... Quelqu'un qui est seul et qui veut rester seul. Quelqu'un qui est seul et qui veut rester seul, écoute, bien, c'est un bel avantage de pouvoir justement avoir cette option-là qui est beaucoup moins coûteuse et, en passant, qui peut revenir pas mal moins cher qu'un appartement à long terme. Ah oui. Mais si on regarde les assurances, parce que là, tantôt, on a parlé du prêt hypothécaire, de faire l'achat d'une mini-maison, on se rend compte que c'est quand même assez difficile à ce niveau-là. Peut-être que ça va être un petit peu plus dispendieux avec le taux d'intérêt. Mais le type d'assurance qu'on doit obtenir va dépendre du type de mini-maison qu'on va choisir. Donc, par exemple, une mini-maison mobile, vous allez devoir assurer l'habitation comme un véhicule récréatif. Ben oui, parce que tu le bouges. Ben oui. Ce qui fait en fait que l'habitation va devoir respecter et être inspectée par la Société de l'assurance automobile du Québec avant même d'être immatriculée. Et étant donné que la maison mobile, c'est considéré comme une roulotte, vous allez devoir la munir d'une plaque de type remorque qui va être valide pour la durée de vie de la mini-maison. Et là, considérant le fait que vous ne savez pas la durée de vie de votre mini-maison, bien, à ce moment-là, ça peut peut-être jouer un petit peu sur le montant. Si on regarde le modèle fixe, eh bien, il va falloir obtenir une assurance habitation conventionnelle, donc comme n'importe quel type de maison. Vous allez devoir jouer dans les mêmes eaux que vous jouez habituellement. Mais si on regarde une maison transportable, il existe quand même une certaine incertitude à cette fameuse... Grise, pas mal, c'est entre oui, les deux. Exactement. Bien, ça, c'est celle qu'on peut changer aux 3 mois, ouais. Qui va être parfois un petit peu plus grosse que la maison qui va être mobile. Mais on a une incertitude quant à l'assurance parce que c'est quand même assez difficile à déterminer. C'est étudié à titre individuel en fonction des particularités des maisons que vous allez vouloir bouger à un certain moment. Parce que justement, des maisons mobiles qui sont, normales, les grosses ouais. maisons, c'est des maisons, c'est pas des véhicules. Exactement. Ça, elles sont le même principe. Mais en temps normal, tu pourrais les bouger. Ouais. Elles ont, si je me souviens bien, tous une base bougeable. Ouais. Mais c'est... pas une boule pour... C'est ça, exactement. Par contre, il faut noter que dans la majorité des cas, il y a une assurance pour caravane stationnaire qui est de mise avec le modèle qui est transportable parce qu'automatiquement, si vous décidez de changer de place aux 3 mois, comme on le disait tout à l'heure, eh bien, vous n'avez pas le choix. Vous allez stationner votre caravane quelque part. Donc, ça revient un petit peu à se poser la question, je suis mieux de vivre dans un Winnebago aussi? Ouais. C'est aussi un questionnement que vous pouvez avoir. Et il y a quelques précisions aussi, bien évidemment, quant à l'assurance. C'est que si vous cherchez à faire un investissement qui va être rentable à long terme, c'est conseillé d'opter pour une maison sur fondation. Donc, une mini-maison de style fixe. Parce que, bon, oui, l'esprit de liberté s'est inspiré par la maison mobile. Ça a un attrait quand même aux yeux de nombreux acheteurs de pouvoir justement traverser le Canada avec sa maison. Mais il faut prendre en considération qu'une maison de ce type-là, ça va perdre de la valeur au fil du temps si vous la bougez constamment. Ouais. Et la mode va passer aussi. Bien, la mode va passer, mais contrairement à une maison avec fondation, c'est que vous ne serez pas capable de garder la valeur parce qu'elle va avoir eu du terrain. Va avoir bougé. Oui, une fondation... c'est ça. T'sais, une maison, là, veut pas... quand même bien que ce soit une maison fixe comme on connaît bien aujourd'hui, ça bouge. Ici, au Québec, on a ce qu'on appelle, comme tu viens de le dire, l'hiver. Les fondations, avec le mouvement de terrain, ça bouge. Si on regarde une maison mobile à ce niveau-là, bien, c'est vous qui la bougez, donc... Oui, elle va être sur une base qui va être solide. Par contre, vous allez quand même aller au-delà des intempéries de météo. Vous allez faire de la route, ce qui veut dire que si vous pognez une bosse, ça se peut que vous ayez un mur qui craque. C'est pas des vitres de char, après ça. Exactement. C'est des vitres normales de maison. Tout à fait. Donc, tu sais, oui, c'est solide. On s'entend, ça a été fait en fonction ça, que ça soit bougeable. Par contre, la valeur de votre maison va perdre. Ça, c'est sûr et certain. Ouais. Faut pas oublier non plus, je sais pas si c'est quelque chose que tu allais mentionner, mais la plomberie, l'électricité, oui. Ce truc-là, il faut quand même que... Mais oui, tout à fait. Si vous êtes du style à justement vouloir changer de terrain ou quoi que ce soit, si, parce qu'il y a l'option aussi de se construire sa propre mini-maison. Si vous êtes du style entrepreneur là, en construction et vous dites « Moi, c'est sûr et certain, je me lance ce défi-là de créer ma propre maison », ça se fait. Ça se fait super bien. Par contre, il va y avoir des taxes, municipales par rapport au fait où on va devoir... Allez vous connecter à l'aqueduc. Vous allez devoir vous connecter aussi à l'électricité. Donc, à ce niveau-là, c'est sûr et certain qu'il y a des frais. Par contre, si on regarde les frais aux alentours, normalement, ça joue aux alentours d'une 1 000 $, peut-être 1 500 $ là, avec l'électricité pour aller se faire connecter à tout ça. Et si on regarde vraiment à long terme, bien, ça revient quand même moins cher qu'un appartement, ouais, souvent. J'imagine. Si on regarde les dimensions, là, tout dépendant, là, si vous vivez dans un 1,5, non, probablement que votre appartement va être pas mal plus avantageux pour vous. Mais si on regarde, par exemple, les prix des 5,5, si on regarde les prix des 4,5 aussi, parfois, à un certain moment, tout dépendant, vous êtes où au Québec, c'est sûr et certain que la mini-maison peut être une très bonne option au niveau monétaire. Comme je le disais tout à l'heure, il y a des avantages, il y a des inconvénients, les coûts. Bien, vivre dans une mini-maison, ça va permettre de faire des économies, comme on le disait, mais ça coûte environ entre 60 000 et 100 000 lorsqu'elle est préfabriquée. Et si on la fabrique nous-mêmes, bien, c'est aux alentours de 30 000 $ parce que c'est sûr qu'il n'y a pas la main-d'œuvre à mettre là-dessus, mais ça va prendre le temps que ça va prendre. Hein? Ouais. C'est beaucoup moins cher qu'une demeure habituelle, peu importe la région où vous allez habiter, sachez-le. Il faut faire attention, par contre, en faisant son budget, il faut prévoir les coûts qui peuvent rapidement faire augmenter la facture. Tu sais, tout ce qui est décoration là, à l'intérieur de votre mini-maison, là, partez pas en peur non plus. c'est une mini-maison, c'est pas une œuvre d'art. Donc, il faut se demander si on va avoir besoin d'acheter, par exemple, un terrain. Et est-ce qu'on va devoir faire construire des meubles sur mesure? Parce que les dimensions sont pas les mêmes. Donc, est-ce qu'on va devoir acheter des électroménagers qui sont de taille non traditionnelle? Ça rentre dans les coûts, ne veux pas. Si tu as besoin d'un frigidaire qui va être beaucoup plus petit que ton réfrigérateur habituel, normalement, les coûts devraient pas être si pires. Mais si c'est de taille non traditionnelle, si ça doit être fait sur mesure, bien là, calcule-toi quand même un bon petit budget là, à ce niveau-là, parce qu'il y a de fortes chances que ça te coûte quand même plus cher. Et il faut également garder en tête que les mini-maisons sur roues, c'est considéré comme des roulottes. Donc, comme on le disait tout à l'heure, c'est pas généralement possible d'obtenir une hypothèque pour ceux-là. Même si elles sont fixées au sol, ça peut souvent se rabattre sur un prêt personnel à cause du montant qui est pas très élevé. Normalement, on se dit que, bon, la plupart des Québécois, on devrait être capable de subventionner 100 000 $ pour une maison. Ouais, c'est ça. Donc, ça dépend de comment vous voyez les choses. Mais si on regarde l'environnement, on s'entend, une mini-maison, ça le dit, c'est tout petit, ça a une dimension qui va être réduite. Donc, une mini-maison, c'est déjà écologique. Elle utilise moins de matériaux, c'est souvent construit en bois. Ça a des larges fenêtres qui vont permettre justement d'optimiser l'apport en luminosité et de réduire le coût d'électricité. Et ça va bien évidemment limiter les besoins de chauffage aussi. Parce que la lumière du soleil avec des grandes baies vitrées, veut pas, ça chauffe. Et ça, la plupart des gens sur des maisons normales, on s'en rend pas compte parce qu'on a de petites fenêtres. Mais si on regarde la mini-maison mobile, comme c'est souvent le cas, bien vous allez pouvoir la déplacer à l'ombre en été et au soleil en hiver. Ah, ben oui. Pour profiter au maximum de la température. Donc, à ce niveau-là, encore une fois, vous faites une économie au niveau de votre chauffage. Et il n'y a pas à redire, c'est vous qui décidez de faire d'une mini-maison votre résidence principale. Donc, vous allez réduire grandement votre empreinte écologique. Il y a probablement déjà à la base une idée écologique derrière le fait de vouloir s'approprier une mini-maison. Mais si vous décidez, en fait, d'acquérir ce type de résidence-là, comme résidence secondaire, ça ne sera pas nécessairement le cas, là. Vous n'allez pas nécessairement faire de grandes économies parce que ça va être une résidence secondaire. Si vous décidez d'avoir un chalet de type mini-maison, parfait, tant mieux, mais attendez-vous pas à faire des économies incroyables parce que vous n'allez pas être là de façon permanente. Mm-hmm. Donc, l'espace aussi, ça a des avantages, ça a des inconvénients, comme on le disait tout à l'heure. C'est choisir de vivre avec environ 10 % des objets qu'on possède déjà dans une maison régulière. C'est pas beaucoup. On fait un grand choix à savoir qu'est-ce qu'on emporte avec nous. C'est pas un voyage que tu reviens dans un mois, là. Tu décides de t'acheter une maison comme ça. Donc, il faut absolument prendre en considération que ça se peut que ton beau gros malaxeur, tu puisses pas l'amener. Quel exemple! Je pensais genre ton beau gros divan en coin. Aussi. Mais ton malaxeur va probablement rentrer dans ta maison. Ben, ça dépend. Ça dépend. Ça dépend comment tu fais tes armoires, mon cher Mathieu. Okay. Mais ça prend un grand sacrifice quand même pour certains. Pour d'autres, c'est une tendance minimaliste. On vit bien avec ça. Il y en a beaucoup qui vivent déjà avec la tendance minimaliste. Donc, c'est une libération pour certains. Mais pour d'autres, c'est vraiment un moment d'adaptation. Et avoir une maison traditionnelle, ça signifie quand même consacrer beaucoup de temps au nettoyage, comme on le disait tout à l'heure, aux réparations aussi. Donc, avec une mini-maison, il y a une grande partie du temps qui va être utilisée tout simplement pour profiter de la vie. Ouais. Pour vos loisirs, vos voyages, votre famille. Ça dépend si vous êtes 42 là-dedans. Ah. Mais c'est quand même un défi de vivre à plusieurs avec si peu d'espace parce que la plupart des gens ont besoin d'un espace personnel. Chose que là, on n'a plus, tout simplement. Ce côté-là disparaît. Mais sachez que vivre dans une mini-maison, c'est bon pour la santé. C'est le point quand même qui est très intéressant dans tout ça, c'est que oui, on a parlé du nettoyage qui va être réduit, on a parlé de l'empreinte écologique aussi qui va être meilleure, mais une mini-maison, c'est bon pour la santé parce qu'on n'y pense peut-être pas, mais ça va nous amener à beaucoup plus sortir de la maison. Donc, dans nos vies où justement tout semble gros, si on vit dans une maison qui est régulière, bien, on se fait souvent rappeler qu'on a des vies modestes, qu'on reste à l'intérieur, qu'on va plus nécessairement à l'extérieur, surtout si on a des enfants. Et si on a 25 mètres carrés, c'est la taille d'une unité de rangement ou d'un garage, par exemple, bien, il n'y a pas d'endroit où se cacher. Mm-hmm. Il peut juste y avoir du désordre, oui, peut-être. Par contre, c'est sûr, tu vas faire peut-être plus de ménage. S'il y a un problème avec l'espace ou avec votre conjoint ou conjointe ou vos enfants, bien, vous allez devoir soit le réduire rapidement ou sortir de la maison. Donc, c'est tout un avantage parce qu'il y a des chercheurs de l'Université du Kansas qui se sont penchés sur les bienfaits santé de vivre justement petit et de vivre minimaliste. Donc, d'avoir une petite maison, c'est beaucoup plus respectueux pour l'environnement, mais on utilise moins de matériaux, moins d'énergie, moins d'espace. ça, on le sait, on a fait le tour quand même. Mais si on regarde le stress du désordre dans l'impact de notre vie, dans une maison normale, ça compte pour beaucoup. Les résultats de recherche ont quand même été impressionnants. Mais si on regarde aussi l'alimentation, on ne sait pas pourquoi, mais les gens qui possèdent des mini-maisons semblent avoir une meilleure alimentation. Hein? Donc, dans un espace de vie qui va être dégagé et qui n'aura pas nécessairement d'encombrement, on va être beaucoup plus susceptible, en fait, de préparer nos repas nous-mêmes avec des aliments qui vont être frais. Et comme on a une mini-maison, il y a de fortes chances qu'on ait un mini-jardin à côté. Ça va faire des mini-quiches. C'est ça, des mini-quiches. Il y a aussi la chambre qui peut être un avantage pour vous, si jamais vous ne le savez pas. Mais la chambre a juste assez de place pour le lit. Hein. Ouais. Donc, peut-être avec une table ou une petite table de chevet, mais c'est pas mal juste ce qui va rentrer dans votre chambre, dans une mini-maison. Donc, sommeil optimal. Ah, tu vas dans okay, ta ben chambre oui. que pour dormir. Mm-hmm. C'est petit, c'est exactement ce que recommandent en fait les spécialistes du sommeil. Une pièce sans source de stimulation. T'auras pas la télévision, t'auras pas nécessairement la lumière. Bon, peut-être que le cellulaire va rester à portée de main, mais à ce moment-là, il reste quand même qu'on a une option de sommeil qui va être optimale dans une mini-maison. Dans une petite maison, on a le temps de s'asseoir et de rien faire. C'est un bon moyen, en fait, pour déstresser, même pour 10 minutes seulement. Et comme je le disais tout à l'heure, on a beaucoup plus le temps de passer du temps à l'extérieur parce qu'on ne veut pas nécessairement rester à l'intérieur de notre mini-maison. Souvent, les gens qui vont justement acquérir ce type de résidence-là vont vouloir faire le changement. On veut voir du terrain, on veut sortir, partir à l'aventure. Donc, ce qui est bien avec une mini-maison, c'est lorsqu'on va se sentir cloîtré, on va tout simplement sortir à l'extérieur. On va aller, que ce soit dans un parc qui permet de respirer l'air frais ou tout simplement sur le côté de notre maison. Ça dépend comment vous voyez les choses. Bien, si tu as pris le terrain sur le bord de la plage, c'est ça. Exactement. Et tu m'as posé la question tout à l'heure, est-ce qu'on a des mini-maisons en Mauricie? Ouais. Eh bien, oui, Mathieu, du côté de Shawinigan, il y a un projet de mini-maison et jusqu'à maintenant, il n'y a aucune opposition à ce projet-là parce que c'est quand même une crainte qu'on avait de pouvoir créer, construire comme ça un parc à mini-maison. Mais il y a la modification, en fait, de zonage qui a été proposée pour la rue des Astères qui va permettre justement la construction de 4 mini-maisons. Okay. Et on rencontre absolument aucune opposition présentement à l'Assemblée publique de consultation qui était en février dernier. Donc, Shawinigan devrait être une des premières places en Mauricie où on va avoir des mini-maisons. Ça te paraît comme un parc de maisons mobiles, comme tu disais tantôt? Ça va ressembler à ça. C'est sûr que c'est beaucoup plus moderne. Si on regarde les parcs de maisons mobiles, souvent, ça va être vers Pointe-du-Lac, vers Sainte-Marthe-du-Cap. On s'entend que c'est plus nécessairement le même côté écologique non plus. Les maisons mobiles qu'on avait dans le temps, oui, c'était écologique, oui, c'était pas cher, mais c'est fait en tôle. C'est pas super cool du côté écologique à ce niveau-là. Mmh. Tandis que les nouvelles mini-maisons, bien, la plupart sont construites en bois et en matériaux recyclés. Donc, de ce niveau-là, ça dépend comment vous voulez voir votre empreinte écologique. Sinon, ben, il reste les cabanons dans les magasins de rénovation. Oui, aussi. Les abribus, j'ai sachez-le. Vu beaucoup de sans-abri là-dedans. Oui. C'est vrai. Sinon, il y a les appartements qui restent une option si vous n'avez pas nécessairement les sous pour une grosse maison. Si vous êtes aux États-Unis, il y a le Minnesota. J'arrête. Okay. Merci, Tania. C'était vraiment mauvais. Wow! Tania is gonna entertain you tous les matins à Assemblage requis. J'ai vu que Marc-Olivier Dumas est arrivé pour sa chronique Sport et Flushé. Salut, Marc-Olivier. C'est faux, je ne suis pas arrivé. Non? OK, ben laisse faire. Qu'est-ce qui s'en vient tantôt? On va parler un petit peu, c'était les championnats provinciaux au niveau du volleyball féminin division 2, donc les Patriotes qui étaient en action cette fin de semaine. Il y avait le début des éliminatoires au soccer intérieur et bien entendu, on va parler du March Madness. Oh oui, c'est au retour à Assemblage requis. Assemblage requis. Deuxième heure d'Assemblage requis en ce mardi 20 mars 2018. Elle est Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Mm-hmm. Marc-Olivier Dumas qui est là pour parler de sport avec nous juste un petit peu. Ça fait quoi, deux semaines qu'on s'est pas vu? J'étais là la semaine passée. T'es-tu là la semaine passée? Mais oui. C'était l'autre avant que t'étais pas là. Exact. C'est maintenant. Voici Sport effiloché. Je suis allé voir, c'était le 6 mars que tu n'étais pas là. Exact. M'excuse, Marc-Olivier. Merci. M'excuse, deux semaines de fil qui étaient là, faut ben en oui. profiter. Hein? Puis juste avant de commencer, je vais faire une petite parenthèse parce que je regardais Tania sur son ordinateur. Voyais-tu les infopubs où c'est qu'on dirait que ouais. le monde a l'air des. Des espèces de cons, là. Tu sais, ouais. pas capable de mettre des légumes sur une planche à couper, tu sais. Ouais. Genre, ils pensent vraiment que le monde sont cons même dans la vie. Ben. Y'en a! Ouais! Y'en a, on en connaît tous. Mais tu sais, il y a une limite, là. On dirait que c'est. Ben, si c'était déjà, on s'entend, ben là, oui, mais c'est tellement... Genre, il ouvre l'armoire, puis toutes les bouteilles de plastique ouais. tombent. Ah oui, c'est juste drôle, là. C'était ma petite parenthèse. Ouais, vraiment, l'infopub de SodaStream des années 90, allez voir ça sur YouTube. Ah ouais? C'est drôle. Ah, c'est drôle. Pas vu. Tu sais, ils l'ont fait humoristiquement parlant, oui. là, tu sais. Ils traînent ses sacs de vidange à l'arrière de lui avec ses bouteilles dedans. C'est bien drôle. Bref, on est là pour parler de sport. Exact. Il s'en passe des affaires. Oui, et bon, le sport universitaire au Canada... tire à sa fin. Mm-hmm. Bon, il reste quelques compétitions. Le volleyball division 1 a terminé la fin de semaine dernière avec les championnats nationaux. Donc, Montréal a fini 5e, a battu Laval. J'ai des petites parenthèses comme ça, mais juste dire, cette fin de semaine qui s'en vient, c'est la dernière fin de semaine au niveau du sport universitaire. Il y a les championnats de hockey et tout ça. Ça se clôt cette fin de semaine. Après ça, ben, les étudiants athlètes, parce qu'il faut pas oublier que c'est le mot étudiant qui est là en premier. Ben, ils vont pouvoir se concentrer sur leur fin de session. Je disais que des athlètes étudiants, c'était cool comme mot, mais non, ça met athlète en premier. Faut pas faire ça. C'est vraiment des étudiants athlètes. Ouais. Ils sont là pour étudier. Ils doivent tenir quand même une moyenne de base. Certaines universités demandent des moyennes beaucoup plus élevées que d'autres. Mm-hmm. On sait que Glenn Constantin, par exemple, avec le Rouge et Or de l'Université Laval, au niveau du football, demande à ses joueurs de tenir, je pense, c'est 3.0. Donc, ils demandent vraiment des moyennes qui sont assez élevées. C'est pour eux, pour certains entraîneurs, l'aspect académique est très important. Et pour le sport universitaire, je veux pas, c'est ça. Oui, on essaie de former des jeunes dans le sport et de leur donner une bonne éthique de travail. Il y a certains des jeunes sportifs universitaires qui vont même se rendre aux Olympiques. Mm-hmm. Par exemple, la natation, c'est la porte d'entrée pour les Jeux Olympiques. Donc, les meilleurs résultats vont aller évidemment aux Olympiques. Il y a quelques exceptions. Si on passe à Oli Oleksiak, qui, elle, est encore au secondaire, mais éventuellement, elle va arriver à l'université. Mm-hmm. Lors des prochains Jeux Olympiques, normalement, elle devrait être dans une équipe universitaire et devrait tout rafler à ce niveau-là. Ça devrait être. Je vois mal comment, à moins qu'elle décide d'arrêter complètement, je vois mal comment une médaillée d'or à 16 ans pourrait ne pas continuer sur sa progression. Blessure, c'est, oui. C'est une des seules options que je vois. C'est chose qui arrive quand même assez couramment. À son couramment, âge, rupture amoureuse, c'est une blague, je blague. Mais des blessures... D'après moi, c'est intelligent. Elle mais pas en couple. Des blessures... Il y en a des blessures, mais en natation, souvent, c'est des sports qui sont un peu moins prompts à avoir des blessures dû au fait que c'est dans l'eau, donc c'est moins difficile pour les, ouais, les articulations. Il y a moins de contact. T'sais, c'est pas comme la course où à chaque fois que tu fais un pas, il y a un contact avec le sol, ton genou... Les genoux se maganent vite. Oui, c'est ça. Il y a une certaine décharge à chaque coup que tu donnes, alors qu'en natation, mais c'est de l'eau. Je veux dire, il y a beaucoup moins d'impact sur les articulations. C'est sûr, il y en a un peu. Mm-hmm. C'est sûr, il y a des risques de blessures d'usure, mais il y en a moins parce qu'il n'y a pas d'impact. Ou pratiquement pas. Donc, à ce niveau-là... À part si t'es spécialiste de la bombe. À ouais. quel concours de bombe aux Olympiques? Ouais, c'est quand? Ça s'en vient, ça. On aimerait ça savoir, s'il vous plaît. Ça serait quoi, les critères? Le plus gros splash? Ouais, exactement. La distance splash avec un tape tout le kit. Tu sais, tu mets le monde en première ligne, puis combien de rangées de personnes tu mouilles? Combien c'est de ça. Gouttes sur le fond de la personne devant toi? Wow. Exact. Donc, passons aux choses sérieuses. C'était les éliminatoires qui débutaient, les quarts de finale, la fin de semaine dernière au niveau du soccer, autant féminin que masculin. Je vais débuter avec les messieurs. qui ont terminé troisième avec une fiche de 3 victoires, 1 défaite et 3 matchs nuls, un total de 13 points. C'est un peu plus que Montréal. Donc, l'UQTR avait un match plus facile en première ronde. On affrontait l'Université McGill qui, eux, avaient terminé avec une fiche de 2 victoires, 3 défaites et 2 nuls. C'était quand même très, très serré en milieu de peloton, là. Entre l'UQTR qui est troisième, qui a 13 points, et McGill qui est sixième, il y a seulement 3 points qui séparent. Donc, c'est une victoire la différence. Et t'as l'ETS qui est septième à 8 points. Donc, tu sais, c'est quand même très, très serré. 12 points et 8 points pour McGill. Je me suis trompé, mais ça, c'est le but pour que j'ai mal vu. Donc, trop de colonnes. Mais c'était quand même très, très serré à ce niveau-là, jusqu'à la fin de la saison. Donc, que l'UQTR tombait sur McGill, c'était peut-être avantageux par rapport à soit Montréal ou Laval, qui sont quand même des équipes qui sont à peu près de la même force que l'UQTR. Donc, on ne sait pas nécessairement ce qui va se passer. Et d'ailleurs, Laval-Montréal, ça s'est terminé 3-2 en fusillade. Ouh! Tu sais, genre de match serré, fusillade, autant jouer à pile ou face pour savoir ce qui gagne. Ouais, surtout au soccer. Et donc, dans grosse surprise d'ailleurs dans cette fin de semaine-là, c'est Sherbrooke qui a vaincu Concordia. Concordia qui a fini premier. 1-0 en tir de barrage. Pile ou face, hein? Ouais, c'est ça. Et donc, l'UQAM qui a vaincu l'ETS 2-1. L'UQTR, quant à eux, une victoire de 2-0 face aux Redmen de McGill. Donc, c'est donc dire que l'UQTR se rend en demi-finale face à l'UQAM. Et les matchs qui restent, donc demi-finale et finale, auront tous lieu en fin de semaine, donc samedi et dimanche. Ça a lieu au complexe sportif Alphonse Desjardins, donc ici à Trois-Rivières, amateur de soccer. Je vous encourage fortement à aller voir ces matchs-là. C'est autant féminin que masculin. Les demi-finales samedi et la finale dimanche. Toute la journée, là, c'est genre de 11h à 21h. Quelque chose. Oui, le premier. Mathieu est tout court. Comme dit, je connais ça. Le premier match est à 11h30 samedi matin. C'est du côté féminin. Le second match, 14h du côté féminin. Ensuite, à 16h30, c'est le masculin qui embarque. Et à 19h, c'est du QTR, la deuxième demi-finale. Les finales, la finale masculine aura lieu à 16h dimanche. Et la finale féminine, c'est à 13h30 dimanche. Voilà. Et quand vous parlez de tir de barrage, j'ai l'impression qu'il va y avoir des castors là-dedans. Non, c'est pas vraiment la même chose. Du côté féminin, l'UQTR qui a terminé bonne dernière avec une fiche d'aucune victoire, 5 défaites et 1 match nul, a dû se contenter d'une défaite de 3-0 face à l'Université Laval. C'est une saison difficile du côté féminin, surtout par rapport à ce qui s'est fait au niveau du soccer extérieur cet automne. Ouais. On s'attendait peut-être un petit peu plus. Bon, c'est sûr, c'est pas les mêmes joueurs, c'est pas nécessairement la même équipe qui est présente sur le terrain, pas les mêmes buts. C'est peut-être décevant un peu comme saison, mais ça fait partie de la game. Donc, défaite de 3-0 face à Laval. Les demi-finales, donc à 11h30, c'est McGill contre Montréal. À 14h, c'est Laval contre Concordia. Et la finale, comme je l'ai dit, 13h30 ce dimanche. C'est au complexe sportif Alphonse Desjardins. Donc, ceux qui aiment le soccer, ça vaut la peine. C'est quand même du très, très bon calibre, autant féminin que masculin. Ah ouais. Et il y en a vraiment pour un bon bout. Là. Si ça vous tente pas d'aller voir l'Impact, par exemple, je pense qu'ils jouent de façon à l'extérieur. Donc, Je pense que oui, en fin de semaine, ils ne sont pas locales. Non, c'est ça. D'ailleurs, qui ont battu Toronto cette fin de semaine. Ensuite, il y avait les championnats provinciaux de volleyball division 2, donc nos Patriotes qui étaient favorites, qui avaient une fiche de... Ça a toujours été mes favoris, je l'ai dit. Mathieu aime bien leur grandeur. Leur classe. Leur classe. Leur classe. Donc les Patriotes qui avaient conclu la saison avec une fiche de 11 victoires et une défaite. La défaite qui était venue en tout début de saison face à l'ETS, donc qui était grande favorite pour remporter les championnats. Et ça a très très bien commencé, une victoire de 3-0 face à Lucar. Lucar qui avait terminé quatrième, une victoire, oui, de 25-22, 25-16 et 25-10. Quand même assez facile. Et dans l'autre demi-finale, l'ETS a vaincu 3-0 Lucac. Donc l'ETS avait rendez-vous avec l'UQTR en finale. Et bon, on se souvient, l'ETS, c'est la seule équipe qui avait battu l'UQTR. Ça s'était passé à l'ETS et la finale avait lieu à l'ETS. Hey. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'ETS a gagné. Non. Non? L'UQTR a gagné. Ah. Donc, une victoire de 25-22, 25-17 et 25-21. À noter dans ce match-là, c'est Myriam Desbiens qui a effectué 10 outs au total dans le match. Quand même une très, très belle performance. Combien de jokers? Il n'y en a pas. Tu te trompes de jeu. Je le trouve drôle. Aussi à noter, Enya Haché qui a 7 attaques marquées. Donc, belle performance des Patriotes qui remportent un deuxième titre consécutif après la victoire de l'année dernière où ils ont complété une saison parfaite. manque, en fait, il leur manque celui de 2 ans. Quand c'est Lucas qui l'avait remporté. Ah, on peut pas revenir en arrière. Hein. Et non, mais ça avait été un très très bon match. Ça avait eu lieu justement à l'UQTR. Même s'il avait perdu en 3-7. C'est 3-7, des fois, c'est pas garant de ce qui s'est passé réellement sur le terrain. Il y a des 3-7 très serrés, plus serrés que des 5-7 pratiquement. Là. C'est pas parce que ça sera en 5-7 que nécessairement le match a été serré. Des fois, c'est du 25-15, 15-25. Un 25-23, trois fois, c'est plus serré que 5-7 qui sont vraiment éparpillés. Donc, une belle victoire au niveau du volleyball. Mon troisième sujet, en fait, j'avais une question pour toi la semaine passée, Tania. J'ai eu vent de cette question. Ouais, j'en ai parlé un peu. Tu en as parlé? Un peu. Puis, je voulais savoir, parce que là, on rentre dans le March Madness, mais je voulais savoir, selon toi, tout sport confondu, quel est le titre le plus difficile à gagner? Titre de championnat. Elle fait sa surprise, comme tu lui as pas dit, c'était quoi exactement la question? Ok, que non, mais il me semblait que c'était pas ça la question que tu m'as posée la semaine dernière. Oh, ça se Mathieu, il a un téléphone arabe. Hein? J'ai pas par rapport. Tu m'as pas parlé des Paralympiques. On avait parlé des Paralympiques, mais c'est okay, pas ça. Ok, ouais, c'est ça. N'importe quel sport. Individuel, équipe, tout sport confondu. Puis on va voir si tu vas embarquer dans le piège de Marc-Olivier. C'est pas un piège. Il y a pas de mauvaise réponse. Il a prédit ta réponse. Il a prédit ma réponse. Hey, c'est vraiment difficile parce que je trouve ça vraiment difficile de comparer n'importe quel sport avec n'importe quel sport. Là. C'est quelque chose qui est complètement impossible à faire. C'est sûr que du côté... c'est sûr que si j'avais à regarder ça comme ça, c'est que t'es vraiment garant de la voiture que t'as. Oui, en effet. C'est aussi un sport d'équipe parce que veux pas, t'as des ingénieurs. Fait que si la job est mal faite, si ton auto, t'as beau courir à côté, tu gagneras pas. Mais encore moins pire que les courses de chevaux ou de petits chiens. Eh mon Dieu, OK. Parce que t'as pas le contrôle. Ça, je rentrais pas dans mes catégories. Je sais pas rentrer non plus personnellement. Là, moi, c'est ça que je veux. Je te dirais, je pense que je vais y aller avec le patinage de vitesse. Ah oui? Ouais. Intéressant. À cause des contacts que tu peux avoir beaucoup plus facilement. Mm. Mais parce que je vais enlever la course automobile, parce qu'automatiquement, c'est je dirais facile, la course automobile. Je savais, j'avais dit... Elle voulait juste te contredire en disant pas. Mais toi, tu disais quoi? Mais moi, au niveau individuel, je dirais que c'est le tennis. Wimbledon. Ah ouais, j'avoue, c'est vrai, j'avais pas pensé au tennis. Tellement de compétiteurs. Au final, tu sais, dans notre tête, c'est normal. Il y en a 4 qui sont potentiellement gagnants, mais il y en a combien qui participent réellement à Wimbledon? Ok, ouais, je te l'accorde. Je pense que de ce côté-là aussi, j'irais avec le tennis. Parce que, mettons, t'as le summum des joueurs de tennis qui restent là. Oui. Fait que c'est extrêmement difficile de pouvoir percer à travers ces gens-là. Si on regarde Federer, là... Ça fait quoi, 15 ans? C'est ça. Là, comment tu veux passer au travers de Federer? Ça prendrait quelqu'un, là, une machine, ou que Federer se blesse, ou qu'il décide d'y aller mollo parce qu'il veut prendre sa retraite dans pas long, t'sais. Même chose du côté des sœurs Williams. Je pense que c'est quand même assez difficile pour une fille, à moins qu'une des deux soit blessée, qu'il y en ait une qui se retire du jeu. Je pense que je suis d'accord avec toi de ce côté-là, tennis. Parce que c'est une statistique qui était très intéressante. Je pense que dans les 10 dernières années, il y a un ou deux grands chelems seulement qui n'ont pas été remportés par le Big Four. Ouais. Puis c'est à peu près la même quantité de finalistes qui sont pas dans le Big Four. Je pense qu'il y en a 5. Là. Quand on parle de Big Four, c'est Andy Murray, Novak Djokovic, Rafael Nadal, puis Roger Federer. Tu sais, dans notre tête, des fois, on se dit, bon, c'est un des 4. Mais il y en a combien qui participent au Grand Chelem? C'est ça. Il y en a 128 sur le tableau principal, dont 32 qualifiés. Et les 32 qualifiés viennent de 128 personnes qui sont dans le tableau des qualifiés. Donc, c'est juste le nombre. Et je regarde ça. Mais si on prend le sport individuel étant différent du sport d'équipe, je posais aussi la question, quel est le sport d'équipe le plus difficile à remporter le titre? Je pense que là, j'irais du côté du soccer. Le soccer? Ouais. Avec, mettons, la Ligue des champions ou... Ouais. Moi, ma réponse, c'était la Coupe Memorial. OK. Dû au fait que faut déjà que tu gagnes ton championnat local et en plus, faut que tu fasses un tournoi à 4. Mais vraiment proche, j'avais le March Madness, qui est un des tournois les plus spectaculaires qu'il y a à chaque année, dû au fait qu'il y a un nombre élevé de surprises et d'impondérables. À chaque année, il y a des surprises, il y a de quoi de vraiment bizarre qui se passe, qui fait qu'une équipe qui n'était pas censée être là se retrouve une ronde plus loin. Ouais. Et cette année n'a pas fait exception. Et pour la première fois de l'histoire du March Madness, parce que les équipes sont classées en 4 poules, dans le fond. Il y a 16 équipes par poule en élimination directe. Et bon, les 4 équipe qui va rester vont faire partie du Final Four. Et dans chaque pool, les équipes sont classées de 1 à 16. 1 affronte 16, 2 affronte 15, 3 affronte 14, ainsi de suite. Et pour la première fois de l'histoire du March Madness, une équipe classée 16 a battu une équipe classée 1. J'ai entendu dire ça, hein? Wow, hein? C'était la première fois de l'histoire, ça arrivait. Et bon, on se disait un jour ou l'autre, ça va arriver. Ça va arriver, ouais. C'était sûr. C'est sûr que ça allait arriver. Là. C'était la première fois. Il y avait eu 130 matchs avant 1 contre 16. Et c'était la première fois. Là. Ça fait une vingtaine d'années. Et bon, on se disait, ça va arriver, mais ça va être un match serré. Ça va être quelque chose comme un 65-64 qui va se faire sur le buzzer beater. Pas du tout. C'était un match à sens unique. Une victoire de 74-54 de UMBC contre Virginia, qui était classée 1, qui était une des grandes favorites de remporter le March Madness. C'est fait sortir de manière incroyable. Très convaincante par un 16. Il n'y a personne qui a vu ça venir. Et tu sais, il y a beaucoup de paris autour de... Mais juste, j'allais dire justement, parce que ce qui est encore plus difficile, c'est donc d'être dans le fantasy fantasy sports, puis de réussir à deviner que le 16 va battre le 1. Oui. Il y a sûrement pas de gagnant, je peux pas croire. En fait, à mémoire d'homme ou de ce qui est connu, il n'y a jamais personne qui a réussi prédire un perfect bracket. Ouais. C'est pratiquement impossible. Déjà en partant, il y a 32 matchs dans le premier round. Après ça, il y en a 16. Donc déjà là, pour avoir un perfect bracket, faut pas que tu te trompes une fois dans la première ronde. Faut pas que tu te trompes une fois dans la deuxième ronde. Oublie ça, tout le monde... C'est un jeu de chance, rendu là. Un peu. Et bon, des fois, il y a des choix assez sûrs. Dans la vie, quand tu paries comme ça, un va battre un 16 tout le temps. Absolument, c'est ça. Tout le temps. Je veux dire, c'est la première fois, c'était jamais arrivé. Fait que ça se reproduira pas, tu penses? Ça va se reproduire. Ah ouais, OK. Ça va se reproduire. Mais il n'y a personne de sensé qui va miser là-dessus. C'est ça. C'est un pari tellement audacieux. Ben, ça doit faire du cash quand tu gagnes, par contre. Oui, ça, c'est sûr. Mais si tu as à faire un bracket pour essayer de gagner le prix en argent qu'il y a pour le meilleur bracket au final, jamais tu vas mettre un 16. Mm-hmm. Jamais tu vas dire que le 16 va battre le 1. Ouais, c'est ça. Parce que de toute façon, la première ronde, la façon que ça vaut, chaque ronde vaut 64 points. Fait 32 points, excuse. Donc, la première ronde, chaque victoire vaut un point. Ça vaut rien, un 16 qui gagne. Okay. Ça vaut un point. Ah. Mais la deuxième ronde vaut 2 points par réussite. Mm-hmm. La troisième ronde, 4 points. La quatrième ronde, 8 points. La demi-finale en vaut 16. Puis la finale vaut 32. Mais faut pas oublier que ça, c'est ton bracket au départ. Là. C'est ton arbre que t'as fait au départ. Ouais, que t'as pas vu les parties qui suivent. Là. T'as rien vu encore. Il y a pas un match qui est joué. Ouais. Fait que quand tu fais ton arbre, l'équipe que tu mets championne, qui vaut 32 points, faut qu'elle gagne tous ses matchs. Un 16, ça arrivera pas qu'il va se rendre jusqu'au bout. Ouais. Ça peut arriver sur un match, va surprendre une équipe, c'est ce qui est arrivé. Mais ça vaut un point. Ouais. C'est bien plus payant de mettre un numéro 1 qui se rend jusqu'au bout, parce qu'il y a des chances d'aller chercher 32 points, que ton 16 qui se rend jusqu'au bout. Ça, juste logiquement parlant, c'est ça. C'est pas des 4 de 7. C'est sur un 4 de 7, on se casse pas la tête, c'est le 1 all the way. Mais là, il y a beaucoup d'impondérables, et c'est ça qui est très, très plaisant de ce genre d'événement-là. C'est que tu regardes le jeu et t'es jamais sûr c'est qui va gagner. Ça se joue des fois sur le dernier panier. Il y en a eu un match, c'était samedi soir, c'était Tennessee qui était classé 3e contre Loyola Chicago qui était classé 11e. Et Chicago, sur le dernier jeu du match, ou presque, a réussi un panier pour prendre les devants et a remporté le match 63-62. C'est vraiment très, très intéressant. Et cette année, fait encore plus intéressant, il y a déjà 2 des 4-1 qui sont tombés. Quand même. Habituellement, là, ils tombent plus dans la deuxième fin de semaine. Là. En fin de semaine, normalement, c'est là que les 1 commencent à tomber. Mais c'est très, très rare. Parfois, il y a un 1 qui va tomber lors du deuxième match, mais c'est très, très rare. Et là, il y en a déjà 2 qui sont tombés et on n'a même pas la moitié du tournoi de fait. Incroyable. Ils se sont fait prendre la braquette baissée. Ouais. Un petit peu. Donc, pour ceux qui aiment le basket et même ceux qui n'aiment pas nécessairement ça, c'est un tournoi qui vaut vraiment la peine d'être suivi. Juste justement dû au fait qu'il y a beaucoup de surprises constamment. Et bon, c'est sûr, il y a des matchs qui sont pas serrés, là. Il y a des matchs qui sont pas intéressants, on va se le dire, mais il y en a d'autres. Je vois ici, il y a un 64-63, 55-53, 83-79. C'est tous des matchs qui sont très, très serrés, qui se jouent à la toute dernière minute. Et bon, même s'il reste 5 minutes puis il y a 2 points de différence, là, attendez-vous qu'il vous reste à peu près une vingtaine de minutes à ce match-là. Parce que là, bon, ça devient plus stratégique. On joue beaucoup avec l'horloge, beaucoup de fautes, on ralentit le tempo. Alors qu'il y a des matchs où c'est 94-71, là, ça va un peu plus vite. Vous pouvez changer un petit peu de poste. Là, il y a... Ben, surtout dans la première semaine, étant donné qu'il y a beaucoup de matchs, il y a beaucoup de matchs en même temps, donc on peut pitonner un petit peu. Ouais. Pardonnez-moi l'expression. Mais là, étant donné qu'on rentre vraiment dans la deuxième semaine, là, les choses deviennent un peu plus corsées, plus intéressantes. Il y a beaucoup moins de matchs déjà partant. Là, il y en a 8 qui sont distribués jeudi, vendredi. Il va en avoir 4 distribués samedi, dimanche. Donc, ils vont tous à peu près avoir leur heure séparée pour avoir le maximum de temps d'antenne. Ouais. Et la fin de semaine prochaine, donc pas celle qui s'en vient l'autre, c'est le Final Four, donc la demi-finale et la finale. Ça dure 3 semaines au total, mais c'est 3 semaines très, très intenses. Et moi, je me posais une question parce que... Au final, ces jeunes-là, c'est des étudiants athlètes aussi. Ouais. Là. Oui, je l'ai appris la passée. NCAA différent de la NBA. Oui. Ouais. J'ai appris ça. C'est collège. Je parle de loin. Mais le NCAA, dans le fond, c'est un peu comme le junior majeur pour le hockey. Ouais. Sauf que c'est collégial. Ouais, compare-moi ça à du hockey, voir que je comprends mieux. Ben, peut-être que tu comprends mieux le junior majeur. Je te l'ai dit, descends ça au niveau Mario Kart, moi, te comprendre. Mario Kart? T'sais. Ok, ben, NCAA, c'est comme du 100cc, puis okay, NBA, parfait. C'est 150. Oui. Oui. Je comprends. Okay. Merveilleux. On a réussi. Donc, c'est ça, c'est des étudiants athlètes, mais tous ceux qui sont encore là, comme la finale est à Atlanta, la finale de la région sud est à Atlanta, de là, il y a là Chicago et Nevada qui sont à Atlanta présentement. Ils peuvent pas aller à leur cours, eux autres. Ouais, non. Ouais, j'avoue. Hein. Puis il y a une équipe qui va se rendre plus loin, le Final Four est à San Antonio, qui est au Texas. Cours en ligne? Ben, je sais pas, mais... Mais d'après moi, dans les chambres, le soir, ouais. Ça fait des devoirs. C'est sûr que ça étudie, c'est sûr. Mais les équipes qui se rendent jusqu'au bout, ils ont quand même un bon 3 semaines où ils peuvent pas vraiment aller à leur cours. Ouais. Là. Ben, d'après moi, ils reprennent durant l'été. Peut-être, hein, parce que c'est vraiment serré avec la fin de la session. De toute façon, ils ont une culture qui est différente de la nôtre au niveau sportif. Une victoire du March Madness, remporter ce tournoi-là, a un rayonnement immense sur l'université. Et même fournir les réponses. D'après moi, ils ont leur examen tout de suite. Ouais, exactement. Mais tu sais, même une équipe qui, comme UMBC, qui est classée 16, que personne s'attendait juste de faire ce feat-là, de battre un 1, ça a un rayonnement immense sur l'université. C'est et laquelle, ce UMBC, okay. Donc UM comme maman et BC, okay. Comme British Columbia. Là. Je ne sais pas exactement, c'est... C'est l'Université du Maryland dans le comté de Baltimore. Ah, voilà. Donc, University of Maryland, Baltimore County. Okay. Donc, ça a un rayonnement et ces universités-là, ben, c'est sûr que on donne un petit passe-droit, je pense, à ces étudiants-là qui... Mm-hmm. Apporte justement, parce que non seulement c'est un rayonnement, ben ça donne de l'intérêt à certains jeunes d'aller à cette université-là. Par exemple, Villanova, qui est classé 1 encore cette année, qui est toujours un des favoris, ben ça l'attire des joueurs. Il y a des joueurs qui veulent aller là, il y a du monde qui veulent aller là. Donc, ça a un rayonnement à ce niveau-là et je pense qu'ils ont peut-être une petite passe droite à ce niveau-là. Ouais. T'as pas parlé de Paralympique aujourd'hui, c'est fini depuis avant-hier. Oui, ça s'est terminé dimanche en fait, et bon, j'ai suivi ça autant que n'importe qui, c'est-à-dire pas du tout. Ben ça, c'est quand même assez difficile de suivre les Paralympiques, ouais, hein? Ben, faut l'enregistrer. D'un, c'est très difficile parce qu'ils ont beaucoup moins de temps d'antenne, et de deux, cette année, en raison de l'endroit où ça a lieu, en Corée du Sud, c'est encore plus difficile à cause du décalage horaire. J'ai déjà eu de la difficulté à suivre les Olympiques ou suivre les Paralympiques. Ça donnera pas 2 semaines de plus de souffrance. Et... Ben, les Paralympiques, tu sais, je trouve ça le fun ce qu'ils font. On en a parlé un peu. Je trouve ça con ce qu'ils font aussi en même temps, là, de tout appeler le paraski alpin et le para-hockey. T'sais, c'est du hockey sur luge, là. T'as pas besoin d'être. Ils ont déjà un nom, ces sports-là. C'est déjà des sports qui sont pratiqués le reste de l'année. Là. T'as pas besoin de les appeler para quelque chose. Ben, le paraski, je crois peut-être, il y a certains sports. T'as pas le choix. Mais le hockey, c'est du hockey sur luge. C'est pas du para-hockey, c'est du hockey sur luge. Il y a du monde qui peuvent être en bonne santé qui peuvent jouer au hockey sur luge. C'est oui, ça, mais à ce moment-là, ce sont tous des athlètes paralympiques. Parce qu'ils pourront oui, pas aller jouer au Olympique. Mais ça reste du hockey sur luge. Ouais, le sport en tant que tel utilisé pour oui, les mais ils n'ont pas choisi de faire du hockey sur luge. Ils n'ont pas le choix de faire du hockey sur luge. Mais il y en a qui peuvent le faire même si ils sont pas obligés. Mais je pense juste, c'est le fait de tout nommer para. Je pense que c'est pas aider la cause. Ça serait juste le fun. T'sais, c'est hockey sur luge. Et qu'on arrête de juste enfoncer dans la gorge que c'est des para-athlètes. Oui, ça ouais. l'est, mais ça reste des athlètes quand même. Mm-hmm. Oui, ça, je suis d'accord avec toi. Puis c'est surtout sur ce point-là. Si on dirait qu'on on rabaisse tout le temps ces athlètes-là. Ouais, mais para-athlètes, para-para. Ouais. Hockey sur luge, qu'ils aient fait le choix ou pas, qu'ils soient obligés de jouer au hockey sur luge au lieu de jouer au hockey normal, ils jouent au hockey sur luge chez des athlètes. Mm-hmm. Pas besoin de paraphraser ces athlètes-là. Oh! Bravo. J'aime ça. Mais c'est drôle parce que la plupart des athlètes ont aucun problème à se faire appeler des para-athlètes. Ben, si eux n'ont pas de problème, j'ai pas de problème avec ça. C'est juste moi, je ressens peut-être un petit malaise parce que je vois en eux des athlètes et non du monde qui sont différents. Ouais. Ils font juste des sports qui sont adaptés pour eux, en fait. Là. Ouais, j'imagine qu'ils l'acceptent parce que, encore une fois, ils n'ont pas vraiment le choix de l'accepter. Hein. Probablement. C'est ça. Bref, merci Marc-Olivier Dumas. Ça me fait plaisir. On se retrouve la semaine prochaine. Normalement. Si tout va bien, elle est mardi à 8h pour si le faire de sport effiloché. Oui, oui, c'est ça. Blâme Dieu. Trouve-toi un blâme Dieu. C'est bon ça? Moi, je préfère blâmer Satan. Ouais, c'est ça. Et on t'écoute à Matière Noire les mardis soirs à 21h, des fois. Des fois. C'est ça. Puis pas à Patrice Redaction. Non. C'est j'ai pas encore trouvé de trou dans l'oreille de ces fous pour pouvoir m'insérer. Et voilà. Bref, à la semaine prochaine, nous on écoute Yamantaka Sonic Titan avec Someplace et au retour Dominique Nodmavungu avec Voix d'Afrique. Shoot for the moon, but they can't tell what you've had. Vous écoutez Assemblage de qui en ce mardi 20 mars 2018? Elle est Tania Baudin. Et ma... Ah, j'ai fait la gaffe. Vu que t'étais pas arrivé, je t'avais pas allumé ton micro. Et malaise. C'est ma faute, ça. Et Mathieu Plante, c'est là aussi. Un peu. Oui, c'est vrai. Pas toujours mentalement, mais quand même. Mais quand même, on essaie. Des fois, ça arrive. On commence de bonheur. Sursaut, c'est ça, un petit sursaut de cerveau, comme on appelle. Exactement. Bref, notre très bon ami, je pense qu'on peut dire très bon ami. Ben oui, de certainement. Dominique Nodemavoumou qui est avec nous. Salut. Salut Mathieu, salut Tania. Ça va bien? Bon matin. Oui, ça va bien, vous. Oui. Est-ce que t'es prêt pour Voix d'Afrique? Ouais, toi, toujours, oui, toujours prêt. Comme un scout. Mavungu, Voix d'Afrique, on se fait ça chaque semaine et on parcourt les sentiers africains. Je sais pas si est-ce qu'il y a beaucoup de forêts en Afrique. Ouais, je pense que quand même. Ouais, il y en a pas mal. On peut se faire un chemin là-dedans. Bah, avec sa boussole. C'est sûr. Ouais. Mais on va se fier sur toi pour savoir où aller. Pour nous guider. On n'a aucune idée. Mais non, pas ce qui se passe en Afrique, c'est pour ça que t'es là. C'est ça, exactement. Donc, tu parlais de forêt tantôt. Ouais. Donc, justement, on va peut-être emprunter les sentiers d'une forêt. Oh. On va parler un peu de faune, en fait. Donc, un peu Mais je suis vraiment un devin. Hein. Ouais, vraiment. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Hey, je suis comme tout est émoustillé. Oh, wow! J'aime ça faire de l'effet de même. C'est rare. Donc, Donc, justement, je vous parlais déjà de faune. Donc, parler un peu des animaux, en fait. Donc, je disais, c'est quand même une nouvelle un peu triste, quand même, parce qu'il y a le dernier mâle de l'espèce des rhinocéros blancs du Nord-Soudan qui s'est éteint, en fait. Donc, ça signifie la disparition de leur sous-espèce. Mmh. Et en ce moment, il ne reste que deux rhinocéros, en fait, de cette espèce. Donc, le Najin, qui est la femelle mâle, et sa fille. Donc, il n'y a plus. Qui est la femelle, pardon. Ouais, c'est la femelle mâle. La femelle mâle, c'était. Ok, bon. Non, en c'est tout cas. Correct, on respecte ça, mais tu sais. donc, et la fille. Et principalement, donc là, il n'y a plus de moyens de pouvoir. Non, reproduire. C'est ça, c'est vraiment littéralement, c'est la fin. C'est la fin de l'espèce. Donc, il y a certains scientifiques qui avaient parlé d'une reproduction artificielle. Ouais, est-ce que tu peux cloner une femelle transformée avec les chromosomes en mâle? Bon, oui. Donc hein? Là, bonne question. Mais je ne sais vraiment pas si ça pourra se faire. Mais après aussi, avec l'avancée aussi de la science, peut-être qu'il y aura certaines expérimentations sera tentées. Ouais. Mais sinon, pour l'instant, il n'y a plus de mâles existants de cette espèce. Donc, ça signifie que bon, il y a plus moyen aussi de pouvoir reproduire aussi cette espèce-là. Et donc, moi, je trouve ça quand même que c'est une autre espèce de plus qui disparaît. Et voilà, je pense qu'on devrait peut-être faire plus attention à ça. Parce qu'elles vont commencer à disparaître, moi je me dis, les unes après les autres. Ouais, et tout ça pour faire des cossins, des fois en ivoire ou je sais pas trop quoi. Je sais pas, eux, c'est pourquoi les rhinocéros, c'est, j'imagine, pour leurs cornes aussi. Exactement. Ouais. Exactement. C'est en fait. Inutile un peu ça. C'est ça, ben apparemment, les cornes, elles valent très cher. De ce que j'ai pu apprendre. Et puis elles sont très recherchées, particulièrement en Asie. Ouais, mais est-ce que tu veux tuer un rhinocéros juste pour faire un petit bout de cash comme ça? Moi, je comprends pas cette philosophie de vie-là, mais hein, gars, hein, c'est ça. Ah, c'est ça. Ceux qui tuent les animaux sont tous des criminels. Donc, exactement. Et apparemment, ça coûte vraiment cher, cette corne-là. Mmh. Donc, et surtout en Asie, parce que soi-disant qu'elle a des vertus médicales et tout. Donc voilà pourquoi les personnes là-bas raffolent de ça. Donc ça c'est crée, aussi, pour ceux qui ne savent pas, là, c'est l'ingrédient principal, les cornflakes. Ouais. T'as vraiment dit ouais avant de savoir de quoi je parlais. Ben oui. Ça t'apprendra. Ça m'apprendra. C'est ça. Et mais j'appuyais la joke. Mais... Ah merci, ok. Quand même, ben t'es fait. Ça fait plaisir. Aujourd'hui, je sais pas ce qu'elle a, elle me trouve drôle. C'est rare. Je vais en profiter pour c'est le manque de sommeil. Ça. Donc en tout cas. Ben, les cornflakes, ben, je sais pas ben si oui, c'est ça, vraiment... C'est bon de rester sur la blague longtemps, tu sais, jusqu'à temps qu'on soit puis vraiment créer tanné, malaise, pour créer un malaise, c'est ça. Pour que tu te sentes mal de l'avoir fait. Exactement. Bon. Vas-y, Dom, t'es capable. On va y arriver. On va y arriver, on va y arriver. Donc voilà, on parlait déjà de cornes, justement, mais pas de flex. Trois fois. Donc je disais que, en fait, peut-être ce qui serait bien aussi, c'est de peut-être d'essayer de faire aussi des campagnes. C'est un peu à l'image de Lacoste. Tu vois, Lacoste, il avait fait une, bonne idée, hein. Une petite campagne pour soutenir aussi. Ils ont changé la ricorne de, je sais quoi, c'est quoi, d'alligator, crocodile, là, en dos animaux qui étaient en disparition. Qui était en voie de disparition. Donc je pense que peut-être c'est un concept aussi qui pourrait peut-être, qu'on pourrait peut-être adopter. Peut-être pour sensibiliser les personnes aussi à faire un peu attention à la faune et puis à ne pas aussi se mettre à tuer n'importe comment aussi les animaux. Parce qu'après, tu sais, chaque animal aussi a quand même un rôle un peu à jouer dans l'écosystème. Après, ça dérègle un peu. Donc, tu sais, faut pas après s'étonner aussi des certaines retombées aussi climatiques aussi, que ce que ça va engendrer et tout. Donc, pour moi, je trouve que, ben après, aussi la situation, elle est due aussi que dans la zone aussi où ces animaux sont principalement, c'est aussi des zones un peu en conflit en fait. Donc, ça permet pas aux gardes forestiers de pouvoir bien faire leur job en tant que tel. Parce que si c'est déjà une zone, peut-être il y a plein, tu sais, il y a des rebelles par-ci ou bien à la frontière, c'est pas vraiment sécurisé. Donc eux, ce sont que des gardes forestiers, donc je pense pas qu'ils soient équipés pour faire face aussi à ce genre peut-être de menaces ou de braconniers. Parce que généralement, c'est pas, bon, c'est vrai qu'il y a des braconniers, mais je pense que c'est plus aussi, c'est des, peut-être justement des rebelles en fait, justement, qui, puisque eux, ils ont accès déjà à la zone. Ils peuvent commettre ça et partir aussi en toute impunité. Donc, il n'y a pas vraiment de personnes qui pourraient comme les empêcher vraiment de pouvoir agir. Donc, c'est ça quand même. Donc, pouvoir renforcer aussi au niveau des zoos, peut-être essayer de les développer à l'intérieur, le plus possible aussi à l'intérieur aussi des villes. Parce que bon, on essaie de les mettre un peu... parce que là-bas, les zoos sont vraiment grands. C'est vraiment comme en forêt, en fait. Et ben justement, les conséquences, c'est que des fois, la surveillance, elle ne peut pas être... elle peut pas être maximale parce que tu sais déjà les autorités, tu sais, il y a des zones où il y a la police même qui n'arrive pas là-bas, où certaines tu sais, les routes elles sont déjà pas trop praticables. Ou bien donc déjà ça, c'est compliqué déjà d'avoir accès à ces zones-là en fait, certaines zones. Mais sinon je généralise pas, mais il y a peut-être ce souci-là d'essayer de mettre le plus possible aussi certaines espèces, tu sais, qu'on sait qu'elles sont quand même assez rares, le plus possible dans les villes, bien dans les capitales, tu sais, peut-être dans des zoos et tout. Tu vois, là au moins ça permet d'avoir au moins comme un mâle ou une femelle quelque part pour... Un mâle et une femelle. Faire pareil comme Noé, sauf qu'à la place, c'est l'arche de Noé que tu te chasses ça. C'est en plein ça. Noé. Essaye de pas les faire trop souvent. Okay, sur je me calme un peu. OK, voilà. OK. En tout cas. Bon, donc, on va passer Noé qu'on reste là. Ouais, Noé qu'on reste là. On va parler de faits divers. Oui. Donc, ouais, justement, il y a bon, encore dans le négatif, malheureusement. Non, mais là. Je pense que je suis là pour rendre ça léger poche. Hein? Donc, parler d'un incendie. Ouais. Voilà, dans un marché qui a eu lieu en Guinée cette fois-ci. Donc, la dernière fois, c'était au Mali. Mm-hmm. Et, c'est t'es là. Vraiment au courant des feux. Non? Donc je disais que... C'est même pas une joke, ça. Je sais. Arrête. Dis plus rien, Mathieu. Donc, voilà, descendu encore. Et c'est encore généralement les mêmes causes qui ont... Ah ouais? C'est tout le temps les mêmes causes, en fait, dans les incendies. C'est tout le temps dû déjà au fait que c'est trop condensé déjà, les marchés, parce que limite, ça déborde même sur les routes. Donc, la route même, elle fait partie intégrante du marché. Donc... Le seul moment où tu peux voir la route, c'est peut-être le soir quand les commerçants sont vents. Sinon, c'est impossible de... Bon, c'est très difficile de pouvoir circuler, mettant un véhicule et tout. Donc moi, je trouve que ça rend difficile aussi le travail aussi des pompiers dans ces conditions. Ouais, clairement. Fait. Donc s'il y a peut-être, même si c'est peut-être un petit incendie à la base, mais le temps qu'ils puissent avoir accès à la zone, ça a eu le temps de se propager. Il y a des personnes qui sont là aussi. Et bon, là, heureusement qu'il n'y a pas de vie humaine aussi à déplorer, mais... C'est souvent des dégâts matériels qui sont vraiment importants. Oui, souvent les gens n'ont pas grand-chose de plus que leur commerce dans leur vie. Exactement, donc là, perdre aussi tout ça, toutes ces marchandises-là qui partent aussi en fumée, c'est quand même compliqué, c'est quand même triste, mais d'une part aussi, ça va finir par arriver quand même. Je veux dire, si on fait tout le temps les mêmes choses partout, on va finir par se ramasser avec les mêmes aussi causes. C'est là, c'était sûr que... Fallait s'y attendre en fait. Au bout d'un moment, peu importe le temps que ça va prendre, ça va finir par arriver. T'es un oubli, ou bien tu sais un incendie, une cigarette, mm-hmm. tu sais j'étais peut-être arrivé, de travers, ouais. C'est vite arrivé en fait. Donc peut-être prendre vraiment des mesures, tu sais, pour éviter que ça se reproduise encore et encore, tu sais, parce que là c'est encore des frais que ça engendre, mm-hmm. c'est un marché qui brûle, il faut faire encore sortir de nouveaux fonds pour essayer de d'améliorer un peu, de renforcer. Après encore ça va être encore la même chose, ils vont revenir, tu sais, ça va encore s'agglutiner. Encore un nouvel incendie, puis après c'est comme tiens, une chaîne, puis ça finit pas, on voit pas le bout en fait. Mm-hmm. Et ça, indépendamment des pays, c'est quand même aussi quelque chose qui est présent. Donc je pense que peut-être revoir aussi. Après c'est quand même difficile aussi de dire parce que tu sais les marchés, ils sont quand même là, ça fait vraiment vraiment longtemps. Donc le positionnement aussi, il a pas été choisi au hasard, mais je pense que là, faut peut-être limiter aussi les places quand même. Ok, pour qu'il y ait moins de commerçants, peut-être, s'ils étaient plus espacés. Si, ouais, si c'était plus espacé, peut-être que ça tu sais, les incendies, c'est des accidents, ça arrive. Mais je veux dire aussi, pour si les voies d'accès, déjà, pour peut-être aux pompiers, sont déjà barrées, ouais. Là, ça complique encore plus la tâche. Donc, si on pouvait essayer de limiter ça. Parce que je comprends qu'il y a beaucoup de vendeurs ambulants, mm-hmm. parce que c'est mettons, des personnes, quand je dis sur la route, elle est principalement prise, c'est beaucoup à cause des vendeurs ambulants, en fait. Ouais. C'est-à-dire eux, ils n'ont pas vraiment de commerce fixe, mm-hmm. mais c'est justement, je promène avec leurs marchandises, demandent de la nourriture ou bien de... En fait, leur magasin, il est comme sur leur tête, en fait. Ouais, c'est ça. Donc, mm-hmm. ils se promènent avec peut-être des tissus ou bien des montres, des bijoux et tout, donc ils les vendent. C'est difficile de tenir ton extincteur en même temps que ton panier de produits. T'sais. Donc... Ce serait ça, si tout le monde avait un extincteur dans leur commerce, les feux, c'est bah, temps normal, c'est pas une réglementation. Ah. Oui, mais je pense pas que ça s'applique. Non, ouais, non, c'est ça. Non, c'est ça. Non, c'est pas vraiment... bon, je ne sais pas, une réglementation, en fait. Ouais. Bon, il y a certains commerces qui en ont, mais après, bon, c'est pas... l'État n'a pas vraiment mis l'accent là-dessus. Ouais. Je pense que mm-hmm. peut-être ça devrait peut-être commencer, tu sais, pour pouvoir permettre aussi aux commerces, au lieu d'appeler le temps que les personnes viennent, pouvoir eux-mêmes... Si tu l'éteins dès le départ... voilà, c'est ça, parce que c'est ça. Ouais. Si c'est un petit feu dès le départ, que tu as déjà les moyens à la disposition aussi... C'est ça, parce que s'il faut dire que les bouches d'incendie, elles sont jamais vraiment très proches aussi du lieu de l'incendie. Donc, il faut aller peut-être chercher la bouche d'incendie vraiment assez éloignée. Mm-hmm. Donc, pour, bonne chance aussi pour tirer de ça pour, jusqu'au coin. Peut-être que c'est vraiment deux opposés du marché. Mm-hmm. Je peux dire que les marchés sont quand même très grands. Très grands, c'est ça. Souvent, ça débouche dans d'autres quartiers. Puis ça commence dans une commune, puis ça finit dans une autre commune. Donc, ouais, c'est quand même... C'est quand même un peu compliqué, c'est dommage, mais j'espère que ça pourra, pas que ça servira de leçon, mais il faut qu'on puisse tirer des leçons justement de ça pour éviter que ça se reproduise sans cesse et puis... Apprendre de ses erreurs en fait. C'est ça, c'est ça. Donc voilà, nous on va passer au jeu. Qui est une sorte de jeu. Donc c'est un jeu mobile. Okay. C'est oui. un jeu de lutte sénégalaise en fait. Oh. Donc ils ont essayé d'adapter ça, le jeu sur mobile. Donc ça s'appelle Palabre. Et moi j'ai pas eu l'occasion de le jouer, j'ai pas encore téléchargé justement. Ben, il est disponible sur Google Play et tout, tu peux le télécharger, mais j'ai juste vu quand même quelques vidéos. Ouais. Justement c'est sur le Facebook Ads et tout, donc j'ai vu passer là. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant le concept parce que les mouvements des personnages étaient assez réalistes. Donc ça en fait c'est principalement des lutteurs sénégalais. En fait, c'est un jeu de combat, mais de lutte sénégalaise. Est-ce que la lutte en tant que telle est différente ou c'est juste le fait qu'ils sont sénégalais que c'est de la lutte sénégalaise? Ben en fait, la lutte, elle est un peu différente en fait, parce que déjà les règles, elles sont quand même un peu, différentes et tout. Mais moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans le jeu, en tout cas, c'est parce que ça reprenait des personnages qui sont connus au Sénégal en fait. T'sais, mais il y a aussi, quand même certains personnages, comme peut-être Mike Tyson. Ouais. Un incontournable. C'est ça. Ils ont demandé la permission, c'est sûr, mettre c'est Mike sûr. Tyson dans le jeu. C'est donc, en tout cas, là, je ne sais pas. Je sais pas. Et pas spéculer des affaires, toi, là. Mais vous savez que dans Punch-Out, Mike Tyson, c'est Punch-Out, là, au Super Nintendo, je pense. Je pense que oui. Mike Tyson, il a dit non, je veux pas être là-dedans, quelque chose de genre. Puis il a fallu qu'il le remplace par Dr. Dream. Ah, c'est malaisant. Il y a des versions de Mike Tyson Punch-Out, puis il y a des versions de juste Punch-Out. C'est vrai. Fait que Mike Tyson, c'est un... Il n'aime pas ça. Ah, mais c'est son nom. Ben oui, c'est ça. C'est son image. En tout cas. Ah. En tout cas. Falloir s'informer s'il avait dit ça. Oui. Je vais faire ça. Ah, donc... là, je sais pas, hein, non, mais ouais. En tout cas, peut-être qu'ils avaient demandé son accord. Donc, pour rester vraiment sur le jeu, en tout cas... Oui, le jeu de lutte sénégalais. C'est ça. Donc, moi, j'ai trouvé le concept intéressant parce que c'est vraiment un sport roi là-bas. C'est le sport qui est vraiment en vogue. Et puis, ça se fait vraiment dans des stades. Puis, les stades sont remplis. Tout le monde vient assister à ces combats de lutte et tout. Donc, au Sénégal, c'est une religion quand même. Les gars, ils regardent ça tout le temps. Mais moi aussi, je regardais un peu. Je trouvais les combats, ils sont quand même assez réalistes. Hein. Mmh. Après, mmh. Et pas de protection déjà. Ouf. Donc, les coups sont déjà... Tous les coups sont quand même autorisés. Mmh. Et puis, beaucoup de fétiches aussi. Ah, c'est chaud. Ouais, c'est ça. Donc, tu sais, les lutteurs, ils viennent tout le temps entourés avec plein de, tu sais, des fils par-ci, par-là, tu sais, ou des potions, ça, disons, qui les rendraient oui. Plus forts ou peut-être plus résistants aux coups. Ouais, bon, hein. Donc, Gatorade dans une petite bouteille. C'est ça. J'y crois. Donc, après, moi, je sais pas si vraiment ça les rendre, ça augmenterait leur power. Mm-hmm. Mais peut-être. c'est peut-être. Ouais, mais en tout cas, c'est un item aussi du jeu, justement. Ah, ok, c'est cool ça qu'il a intégré ça, ouais. Donc, ils l'ont intégré. Donc, du coup, peut-être tu peux l'acheter avec les points que tu vas gagner en fonction des différents combats. Donc peut-être un petit fil par-ci par-là, peut-être mm-hmm. augmenter, peut-être crocher du droit ou quoi. Ouais. Mais voilà, en tout cas moi c'est vraiment le concept du jeu qui m'a plu, qui m'a intéressé. Donc ça s'appelle Palabre. Donc pour les personnes qui veulent peut-être ça se dit P-A-L-A-B-R. C'est ça, ça s'écrit comme ça. Donc c'est pas plus compliqué à trouver. Hein. Mm-hmm. Et voilà, ensuite aussi parlant un peu de bande dessinée, en fait. Oui, ton domaine fétiche, ah ouais. Les fétiches. T'as pas besoin de potions, mais t'as besoin de bande dessinée dans la vie. C'est ça, en fait. Mais justement, ça se déroulerait ici, en fait. Donc, j'ai appris qu'il y avait peut-être un festival, c'est de la BD africaine, mm-hmm. qui allait se dérouler ici, du côté de Montréal. Mais la date, elle n'a pas été vraiment fixée, mais ça serait généralement en été. Donc, ça va réunir un peu des BDistes un peu de partout, t'sais, dans d'Europe aussi, et puis certains aussi d'Afrique qui vont venir un peu présenter leur dernière sortie ou bien leur dernier roman qu'ils ont. Donc, moi, je trouvais ça va être un événement assez intéressant quand même pour les fans de BD, t'sais, de BD africaine, mm-hmm. parce que la BD africaine, elle n'est pas assez mise en avant. Il y a quand même certains auteurs qui ont réussi à se démarquer de par leurs œuvres et tout. Mais sinon, au-delà de ça, il n'y en a pas tant que ça. Et donc, moi, je trouve que voilà, faire cet événement-là aussi, ça peut être intéressant. Et puis, ça peut permettre aussi à des illustrateurs peut-être de se faire connaître. Et puis, des illustrateurs permettent aussi un échange de procédés, tu vois, entre peut-être des BDistes, par exemple, des personnes qui ont des idées, qui ont des... pour des romans et tout, mais qui n'ont pas forcément peut-être la plume mm-hmm. pour pouvoir faire mm-hmm. les planches, pouvoir dessiner et tout. Donc le fait que ça se fasse ici à Montréal, ça peut être intéressant parce qu'il y a quand même une grosse communauté d'illustrateurs du côté de Montréal. C'est des personnes qui ont un bon coup de pinceau, qui arrivent à bien peut-être reproduire les pensées peut-être des auteurs ou bien des quoi. Donc peut-être ce festival-là, ça va vraiment être intéressant pour permettre aussi l'échange aussi et puis pouvoir permettre la facilité. C'est parce que moi, j'en connais beaucoup de personnes qui souhaiteraient comme peut-être se lancer peut-être dans l'univers peut-être de la BD. Bon, puis je dirais plus de romans associés à la BD, tu vois. Ouais, romans illustrés. Illustrés plus comme ça, tu vois, qui ont les idées, mais qui n'ont pas forcément le coup de pinceau en fait pour pouvoir réaliser. Donc je pense que un salon comme ça, c'est intéressant. Ouais, c'est un grand travail d'équipe. Vraiment. Ouais. C'est ça en fait. Donc sinon, ça va juste rester des écrits. Mais après, les écrits aussi sont pas plus mal, tu sais, des fois aussi. C'est ça... bon, mais avec des bonhommes allumettes, c'est plat. Ouais. Tu veux que ce soit aussi beau que bon. Hein? Ça, donc pour ça, faut aussi des personnes qui ont peut-être fait plus des études dans ça, qui connaissent un peu comment peut-être réaliser, disposer les planches. Donc c'est un événement qui sera intéressant quand même à suivre aussi. Oui, on surveille ça. Tu sais, pour les personnes qui vont là regarder ça. Et puis pour terminer, donc c'est Talents d'Afrique justement. Donc je parle un peu continuellement de cet événement-là. Mm-hmm. Donc là, les 14 finalistes ont été quand même dévoilés. Donc du coup, vous pouvez voir ça sur leur page Facebook. Ben, c'est juste Talents d'Afrique. Donc ça va se tenir le 19 mai à l'Imperia Bell. C'est du côté de Québec. Okay. Et donc ce sera la quatrième édition cette année. Et puis il y a encore un groupe participant de Trois-Rivières. Oh. Oh. Donc c'est des étudiants de l'UQTR en fait. Ça s'appelle Three Rivers Dancer. Donc, c'est un groupe, ce sont des amis à moi. Donc, est-ce qu'ils dansent? Ben ouais, ils dansent vraiment très bien. Ouais. Et donc, on espère que... Bon, enfin, j'espère, parce que moi, c'est un de mes favoris déjà. Ouais, c'est ça. C'est un sûr. Peu biaisé, tu sais, à peine. Mais après, on verra quand même, parce qu'il y a quand même 14 candidats, donc ça va être un peu compliqué. On va avoir un peu les différents talents de chacun. Ouais, il y a différentes catégories de prix, j'imagine. C'est ça, en fait, mais ça met en compétition des musiciens, des danseurs, des humoristes, et puis en tout cas... plusieurs talents en fait, des conteurs, ça dépend vraiment de ce que tu veux faire et puis comment tu vas essayer à toi maintenant d'électriser le public. C'est ça. Parce que ça reste quand même une question de vote, c'est quand même le public qui décide majoritairement, sans compter qu'il y a aussi un jury, mais c'est quand même le public, donc ça sera aux différents compétiteurs de se mettre en avant et puis d'essayer d'attirer les faveurs du public. Et puis voilà, mais je trouve que c'est quand même un peu... difficile, général. En tout cas, moi, de ce que j'ai pu voir, c'était vraiment l'humour qui avait quand même un penchant. Le public avait clairement un penchant pour l'humour. Après, au niveau de la musique, il faut vraiment se démarquer. La danse aussi, il faut vraiment se démarquer. Sinon, après, tu sais, genre, tu finis la prestation, puis les gars sont sur leur téléphone ou bien ils sont en train de dire... Je pense que ça, c'est... C'est un peu insultant, ça. C'est un peu insultant, ça veut dire que c'est pas très intéressant. Ouais. Donc, on souhaite pas ça à notre groupe de Three River. Donc, sinon, ça sera plate pour le déplacement. Donc, on va terminer dessus avec une chanson qui s'appelle Bidet de Nietzsche OJ. Donc, on va terminer dessus sur cette chanson-là. C'est quoi ça? Donc, en fait, la chanson, elle met en scène, en fait, Bidet, c'est comme, tu sais, dans le jeu de Ludo. Je sais pas si tu connais le Ludo. Non. C'est en fait, c'est un jeu, tu sais, en fait, de rôle qui se joue à base de dés, en fait. Okay. Puis, tu avances les pions en fonction du nombre que le dé aura fait. Et justement, un bidet, ça veut dire que t'en as fait un. Tu vois, c'est quand t'as lancé le dé, en fait, c'est tombé sur un. C'est une expression ivoirienne, en fait, pour dire, c'est un peu dans le sens de la moquerie, en fait. Tu sais, quand on dit que t'as joué bidé, t'as fait un. Donc, c'est genre, t'avances juste d'une case, pas plus. Mmh. Donc, ça n'a rien à voir avec les fesses mouillées. Non. Donc, justement, la chanson, elle parle un peu de ça. Et justement, il y a un teaser là-dessus. Vous pouvez, genre, une vidéo qui a été lancée avant le son. Donc, qui explique un peu le concept de la vidéo. Cool. Donc on termine dessus. Merci beaucoup, Dominique. Merci, Mathieu. À la semaine prochaine. C'est qui check ça? NDC, H. Monte le son, tu vas te régaler. Toujours imité mais jamais égalé. De Montréal à terre salée, t'amuses pas avec ce qui peut t'avaler. On le fait pour la daronne. Deux fois diplômé comme Chabi le patron. Dans la tête ça tombe pas rond. Tu me critiques, qui t'a donné la parole. Petit Annie très mauvais. Écoute mes sons, tu comprendras. De la tête jusqu'aux orteils. Praticienne et tu nous cherches, tu vas prendre. Je suis J-Ren dans le game, t'es grillin. Tu cherches à nous faire face à jouer bidé. T'as pensé que t'étais le meilleur, t'as joué bidé. T'as joué bidé. T'as joué bidé. T'as dit que dans mon pays y'a rien, t'as joué bidé. T'as joué bidé. T'as joué bidé, maman. Bidé, maman. T'as joué bidé, maman. Bidé pour tous les aigris, les maudits, les malots, tous les varans, les jatas. Tu as fait la guerre à tout le monde aujourd'hui, tu dis que tu veux le brassard. Je me bats contre mon égo, essayez de voir même, petit t'es pas mon égal. Je touche pas la coke, la blanche, la poudre, tu me vois en Eskeli. Ni sucré, ni salé, sous-estimé et fort comme ça là. Retourne pas la veste même quand c'est sale. Le lion ne mangera jamais de salade. T'as pensé que t'étais le meilleur, t'as joué bidé. T'as joué bidé. T'as joué bidé. T'as dit que dans mon pays y'a rien. T'as joué bidé. T'as joué bidé. T'as joué bidé, maman. Bidé, bidé, bidé, bidé, maman. Bidé, bidé, t'as joué bidé, maman. T'as joué bidé, maman. Si t'es contre nous, t'as joué bidé. Tu parles dans mon dos, t'as joué bidé. T'es jaloux de nous, c'est que c'est bidé. ragué la goëlle a refusé. Sondage requis. Toi aujourd'hui. Un sondage requis. Oui. Un sondage requis. Toi aujourd'hui. Un sondage requis. Il fait peur.

Soccer Mommy avec la pièce Cool. Drôle de fin. Ouais, vraiment. C'était un peu bizarre. Ça prend par surprise. Oui, quand même assez. Allez, parlons de surprise. Oui. Après la pause, on parle avec Simon Lagagnère de son nouvel album solo samedi soir de semaine, juste après ceci. Assemblage de qui? Toi aujourd'hui. Assemblage de qui? Assemblage de qui? Pour toi aujourd'hui. Assemblage de qui? Le temps s'emballe,

C'est vendredi. Vendredi ouais, soir. Vendredi, c'est un 5 à 7, puis on va faire une petite performance musicale vers 18h à peu près. Cool. Excellent. Simon Lagagnère et son nouvel album solo samedi soir de semaine. Merci encore. Merci à vous autres. On écoute se planter un clou dans le pied. À son âge. Fais payer la note et maintenant prenne une pause fière quand tu prostitues de la sorte. Or cette soif qui te donne une clé de bras tout comme les plaisirs que tu te souffres ont fait de toi Tom le curieux, ont fait de toi James the Free. Avec se planter un clou dans le pied sur l'album samedi soir de semaine. Et c'est là-dessus qu'on termine cette édition d'Assemblage Requis qui fut, ma foi, vraiment très chargée. Mm-hmm. C'est rare qu'on voit cette émission aussi remplie. Alors merci Marc-Olivier Dumas pour Sport et Filoché qui est avec nous aujourd'hui. Oui. Dominique Notmavungu pour Voile Afrique. Jimmy Thibodeau. Oui, pour Gauchère Bévu. Et Simon Lagagnère. Toi, Tania Baudin. Toi, Mathieu Plon. Évidemment. Sur nos ondes, plus tard aujourd'hui, en fait, j'ai oublié de vous dire que demain, à l'émission, on va être mercredi. J'oublie tout le temps de. Demain, ça me semble pas dur. Retenez. Ben ouais. Demain matin. Mercredi, 7h. On va voir Sébastien Viertin à 7h30 et puis dans les coulisses de la Luître à 9h. Là, c'est vrai que sur nos ondes, plus tard aujourd'hui, en ce mardi, l'émission C'est Fou le Sexe s'en vient dans quelques instants à 10h. Ensuite de ça, la rediffusion de Rock de Neurone à 15h. C'est dans ta face avec notre ami Marc Gagné. Les passes sortables seront là à 16h, si tout va bien. À 19h, c'est réanimation avec du métal et de l'horreur. Et à 21h, matière noire avec du métal progressif. On se quitte avec une pièce de Sans. Ooh. Comme du U tantôt, là, les doubles lettres, doubles voyelles, toujours bien utiles. Ouais. Sons avec Make It Real. Et on se retrouve demain 7h. Bye. Hey, bon café tout le monde! Everything I said about it.